Radio. Exactement, on est là tous les matins sur Fun Radio. Bonjour tout le monde, il est 6h24. Ça y est, le warm-up est terminé. Nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses avec Julie qui vient d'arriver, qui est là. Hein. Comment ça va, Julie? Je suis là depuis un petit moment. En mode jogging ce matin? Non, attends, j'ai un pull avec une capuche. Tout de suite, je suis en jogging. Ah ouais, elle est venue en courant ce matin. Chaque fois, on me critique. Oh, quoi. Ça y est, mais je te critique jamais pas. Justement, je te dis que tu faisais du jogging, c'est bien. Je fais pas de jogging, j'ai un pull à capuche. Ah, et un pantalon rose aussi. Ah bah oui, ils m'ont pas même pas. Ah bah non, mais voilà. Écoute, le beau temps est revenu, l'été est enfin là, il est oui, temps c'est de vrai, le c'est vrai. Profitons de cette semaine d'ailleurs, on parlera de ça d'ailleurs dans la météo. Juste après les infos, ce sera dans 5 petites minutes. Voilà, Tof qui est là aussi, mais je sais pas où il devra arriver d'une seconde à l'autre. Et Vince aussi qui est là. Ah ouais, effectivement, voilà, ça mais va il s'est endormi à la radio en fait, il a pas vraiment de chez lui, donc voilà, on l'a réveillé. Il était en train de dormir sur un matelas gonflable sous la table de mixage. On l'a trouvé, on l'a retrouvé. Je peux préciser un truc. La maman du petit Vince est priée aller chercher, s'il vous plaît. T'as de la chance dans ton émission d'avoir une très jolie demoiselle. Oh. Vraiment. Ah, pourquoi? Ah, non, sérieusement. Ah, pourquoi? Je vois ça drame. Le soir, on libre antenne. Non, le soir, on libre antenne. Laisse tomber Cathy, ma standardiste. Pouf, voilà. T'as Julie, c'est très agréable le matin pour se réveiller. Franchement. Ah, oui, non, mais. J'admire. Mais je ne dis pas le contraire. Bon, c'est juste qu'elle est un peu chiante, mais sinon, sinon ça va. Moi, je suis d'accord qu'elle me fasse chier, personnellement. Ah, bah, ah voilà. Ouais. Avec un sourire pareil, je n'attends plus que le soleil se lever. Moi, je suis d'accord que Vince y revienne tous les matins. Eh bah écoute, de toute façon il va revenir assez régulièrement puisqu'il dort à la radio, donc forcément voilà, on devrait tomber dessus un moment. Oui, d'ailleurs, ou à l'autre. Ce serait bien si tu pouvais changer le matelas et me mettre quelque chose avec un semi-halate et tout. Ouais, bah écoute, on y réfléchira. Merci, c'est gentil. On va y réfléchir. Non mais t'inquiète pas, y a pas de soucis, voyons. Okay, voilà, bon. Vince, que vous retrouvez tous les soirs évidemment à partir de 20h sur Fun Radio pour la libre antenne avec notamment l'abbé et Nabil. Exactement, voilà. Pour ce soir, je sais pas si je serai là à 20h, étant donné qu'il est déjà 6h du matin, que je dois quand même. Ça dormir, va, il fait encore noir, mais quelle chance. Tu peux aller dormir, profite-en. Ah ouais, ah bah ouais. Aller le kiff, là, le kiff, vous le allez kiff. Tous travailler et je vais dormir. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce soir, j'aurai la chance de regarder les experts. Pas de soucis, chez moi la télé aussi. C'est vrai. Et mon lit juste en face, t'as vu? Mais t'as vu quand même, c'est classe. Bon, en tout cas, bienvenue à vous sur Fun Radio. J'espère que vous avez pu profiter de cette magnifique braderie à la Hulpe. Oui, tout à fait. C'est pas Julie? Elle m'a dit, il y a une braderie à la Hulpe, tout ça, machin, etc. Mais non, c'est lui qui a dit, je vais peut-être passer à la braderie de la Hulpe, tout ça, machin. Et bah ouais, mais c'est parce que je savais pas que t'habitais dans le coin. Ouais, nouvellement. Et oui, et tu es envahi, tu ne sais plus bouger de chez toi pendant tout un week-end. Bah ouais, mais c'est bien parce qu'en plus il faisait beau et tout, non, c'était c'est bon vrai esprit. Qu'il faisait beau, voilà. Voilà, c'était bon esprit. Ouais, c'était... Ouais. Enfin, j'y suis pas allé, mais je suppose que c'était bon esprit. C'était bon esprit, ouais. Ouais, je confirme. Bon, et donc ce matin, pas mal de choses. Évidemment, on remboursera vos factures comme chaque matin. Si vous voulez vous inscrire 6322, vous débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Il y en a déjà pas mal qui sont arrivés. Hein. 318 euros pour la taxe de circulation, 2700 euros pour un poêle à bois, d'accord. Wow. 200 euros les objets scolaires de l'année, 35 euros, ça va, c'est pas trop cher. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 151,95 € pour l'assurance moto, 550 euros pour la facture d'eau annuelle, 594 euros pour le cadastre, revenu cadastral, 186 euros pour Luminus, c'est l'électricité. Et puis vous aussi, si vous voulez qu'on vous rappelle, qu'on tentez votre chance au 6322 en débutant votre message par facture. Nous aurons également aujourd'hui le ou la grande gagnante qui ira direction Paris pour assister au concert de Britney Spears. Le jeu a eu lieu toute la semaine dernière et tout ce week-end. Et bien aujourd'hui nous appellerons quelqu'un qui a gagné l'album Femme Fatale de Britney Spears et qui en plus de ça repartira avec les places direction Paris. Voilà, donc restez bien sur Fun Radio jusqu'à 9h30. Nous aurons aussi le Pimp Your Cut, c'est-à-dire que vous allez pouvoir relooker votre code gratos avec Lenko, c'est-à-dire qu'en gros c'est grâce à Fun et Lenko on va relooker votre code. Voilà, on va pas refaire la peinture, mais en tout cas on va tout remettre au niveau high-tech téléphone. Il y avait quoi, il y a téléphone, il y a télévision, il y a même le grippin, il y a l'ouvre-bouteille électrique, il y a la PlayStation 3 peut-être. En code t'es quand même, théoriquement t'es quand même travaillé, tu vois, c'est ça. Oui, bah, faut que tu travailles un peu quoi. Voilà, donc ce sera tout à l'heure et bien évidemment la petite devinette qui colle pour repartir avec les écrans plats ou les places pour le parc Astérix. Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? Oh, elle est pas très complexe hein, ce matin, j'ai décidé de faire light. Voilà, un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? Est-ce que si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, vous envoyez la réponse au 6322, on vous rappelle dans un instant, peut-être pour vous filer votre écran plat tout simplement gratuitement ou alors les places pour le parc Astérix. Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? Et dans un instant sur Fun, Mystery You qui va arriver avec DJ Abdel et Funk You. Et ce sera aussi avec les infos de Julie. Ce sera dans une minute sur Fun Radio. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et il est 6h30 sur Fun Radio, c'est parti, faisons un tour du côté de l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, les FDF quittent l'EMR après 18 ans d'alliance. Les fédéralistes démocrates francophones réunis hier soir en conseil général ont adopté à l'unanimité, moins 3 abstentions, leur départ du mouvement réformateur. Suite à l'accord intervenu sur BHV, ils dénoncent le non-respect des engagements fondateurs de la fédération créée en 1993. Les FDF exigeaient l'élargissement de Bruxelles. Du côté des négociateurs, satisfaction générale, mais encore la moitié du chemin à parcourir. Les représentants des 8 partis qui négocient actuellement ont répété dimanche sur tous les plateaux de télévision leur satisfaction après l'accord sur la loi spéciale de financement. Chacun a répété la nécessité des économies à réaliser pour remplir les objectifs budgétaires. Tous les francophones ont fait valoir que la révision de la loi spéciale de financement donnera de nouvelles opportunités à la Wallonie qui ne sortira pas plus pauvre de l'opération. Un homme a été abattu dans une fête à Visée en province de Liège. Un habitant d'Ougré a été tué par balle hier soir vers 20h au cours d'une fête organisée dans la prairie d'une ancienne ferme. Deux individus ont fait irruption sur place et ont tiré plusieurs coups en direction de la victime. Un homme de 39 ans, l'une des balles a atteint ce dernier à la tête. L'homme est décédé sur place. Les auteurs ont pris la fuite. À l'étranger, c'est historique. Les femmes saoudiennes peuvent voter. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a octroyé le droit de vote aux femmes, une première dans ce royaume ultra conservateur où elles subissent de nombreuses restrictions. Pour rappel, elles ne peuvent toujours pas conduire une voiture ou voyager sans l'autorisation d'un homme de la famille. Elles devront en tout cas toutefois attendre les prochaines élections municipales prévues en 2015 pour pouvoir se présenter et voter. Sport football, fin des résultats de la 8e journée de championnat hier. Anderlecht s'est fait peur face au Berscott, mais termine 3-2 et le Standard et le Cercle de Bruges se sont séparés sur un nul. Cyclisme, le Britannique Mark Cavendish est devenu champion du monde au terme de 266 km d'une course non loin de Copenhague. Et puis en Formule 1, Sébastien Vettel a remporté le Grand Prix de Singapour. Jérôme D'Ambrosio a terminé 18e. 6h33 sur Fun, la météo maintenant. Un peu plus de nuages que ce week-end et même de la pluie au littoral. Non, c'est pas ce que t'avais dit là. Bah écoute, température de 20 à 24 degrés. Je suis très déçu. Et demain... Quoi demain? Bah ça va quoi, mais bon... Ah non, on a annoncé du beau temps toute la semaine dernière. Bah oui, mais il va faire beau jusqu'à dimanche, mais on aura quand même encore de la pluie parfois. J'ai vu sur TF1, il allait faire beau là. Toi, tu dis qu'il va faire dégueulasse. Mais nous, sur le centre du pays, on est bien. C'est juste que là, au littoral, il pleut. Ah non, mais on s'en fout ça. Mais voilà. Ah non, c'est pas grave, ils ont déjà la mer toute l'année. Enfin, bah, c'est la mer du Nord, mais bon. C'est bon. Bah, vite fait. Non, mais alors ça va, très bien. Alors tout va bien. 6h33 sur Fun. On va passer maintenant à l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Avec Julie, bien évidemment. Alors c'est peut-être une très bonne info pour Vince, ça. Ah très bien, Vince qui est là aussi. Alors, d'ailleurs avec nous. Il existe dorénavant à Paris un bar à sieste. Est-ce que tu sais ce que c'est? J'imagine que c'est le genre d'endroit où tu vas pour te reposer ta journée de travail. Ben voilà, ça porte très bien son nom. Donc qui n'a jamais rêvé de s'éclipser 10 minutes pour faire une petite sieste après minutes, un bon 10 repas? 10 minutes jamais, 2-3 heures ouais. Ben écoute, il faut savoir que 15 minutes coûtent 12 euros. Donc, Ah oui, donc oui, 5 minutes, minute, c'est cher, très bien. Quand même. Ouais, c'est quand même assez cher. Ah ouais, bah mieux vaut l'hôtel. Hein. Donc oui, ben voilà. En tout cas, le bar à sieste propose aux personnes de venir se reposer après un bon dîner par exemple. Ils peuvent donc occuper des cabines de relaxation. Ah ouais. Donc chacune d'entre elles a évidemment un équipement spécialisé, donc tu peux te faire faire des massages, même des pédicures et ce genre de choses. Avec des Thaïlandaises, c'est possible aussi? Ça s'appelle autrement, ça c'est un autre nom que ah, ça porte. Pardon. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Peut-être que Vince en parlera ce soir à la Libre Antenne. Ouais, qui sait, mais en tout cas c'est bien sympa, mais j'ai pas besoin du bar, je t'avoue que je vais dans le studio à côté de ouais. Mais tout le monde n'a pas la chance de travailler ici chez Fun Radio, donc 15 minutes sont facturées 12 euros pour aller se mettre dans une petite cabine de relaxation. station à Paris. C'est dans le 2e arrondissement, pour ceux qui... Ouais, pour ceux qui éventuellement vont à Paris dans les jours à venir, on sait jamais. Voilà, et tester le bar à sieste. Ouais, c'est ça, bah 15 euros, cher quand même. Hein. C'est enfin, assez bon, cher. Pas, donc c'est 12 euros les 15 minutes. Ah oui, oui, bon, d'accord, ouais. Ok. Bon, enfin 12 euros, c'est quand même cher. Hein. Non, c'est 1 euro la minute, c'est à 3 minutes gratuites. Ouais, c'est ça, 1 euro la minute, c'est à 3 minutes gratuites, ouais. Bon, on revient tout à l'heure avec évidemment l'info, ce sera aux alentours de 7h du match. Je vous rappelle vite fait la petite devinette qui colle ce matin pour gagner un écran plat ou alors les places pour le parc Astérix. Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? Oui ou non? Vous envoyez la réponse au 63-22. Il y a déjà des bonnes et des mauvaises réponses, bien sûr, qui sont arrivées. 63-22, c'est un euro le message. Débutez avec la réponse et on vous rappelle d'ici un petit quart d'heure pour vous annoncer si oui ou non vous repartez avec l'écran plat ou les places pour le parc Astérix. Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? On écoute Mister You maintenant avec DJ Abdel, c'est Thank You sur Fun. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Le son de DJ Abdel à l'instant sur Fun Radio avec Mr. You, c'était Funky. Il est 6h39, bonne matinée tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec les factures qu'on va vous rembourser tout à l'heure bien entendu, et puis on appellera le gagnant ou la gagnante du concours Britney Spears de la semaine dernière et de ce week-end. On appellera le ou la gagnante tout à l'heure qui repartira direction Paris. Bah voilà, tiens, elle ira peut-être au bar de la sieste. Comment s'appelle encore? Oui, c'est ça, un bar de la sieste. Voilà, 12 euros les 15 minutes. Oui, mais 12 euros, mais je rappelle, tu vas avoir un petit massage et ce genre de choses. Ah oui, bah encore heureux à 12 euros, tu penses. Et t'as une cabine de relaxation, j'imagine que c'est quand même mieux qu'un pauvre matelas mis par terre. C'est vrai, enfin, j'espère, en tout cas, j'ai jamais été, mais j'espère. 12 euros. Bon, et puis la réponse à la devinette qui colle, ce sera dans un instant. Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, il y a un écran plat qui est à gagner, ou alors des places pour le parc Astérix. Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? 63-22, bonne chance ce matin. Bon, on va parler de Lady Gaga aussi, qui a encore un petit souhait, tu vois. Bon, moi j'aimerais bien par exemple, voilà, c'est ça. Et bah, glace, elle, à 6h40, bien sûr. Ah ouais, mais il y a pas d'heure. Si, c'est bon, il y a pas d'heure pour la glace. Oh non, franchement, franchement j'aurais un petit Magnum là. Ah ouais. Non, quelle horreur. Ah si, si. Ouais, ah non, je peux pas là. Une spéculose de chez Häagen-Dazs. Ah ouais, petite glace spéculose, ouais. Ah, ouais, moi, ça peut être moi, pas personnellement, mal. Durum Pita. Ouais, moi je serais plus comme ça. Moi je serais plus un bon Giant. Quoi. Encore Vince, ça va parce qu'il sort de la libre antenne encore, donc ouais, il est encore. Lui, il est encore j'ai l'impression que c'est toujours le soir là, personnellement. Ouais, c'est ouais, comme c'est s'il était genre 4h du matin. Bah, ou 2h bon, du matin. C'est presque 6h40, ça, hein, 6h40. Voilà, donc Vince de la libre antenne qui est passé nous voir ce matin, comme il fait encore noir, c'est vrai qu'il a. On peut concevoir encore qu'il soit encore en mode Durum, Pita, etc. Parce qu'il a pas encore été dormir. Mais toi, Julie, franchement. Mais qui te dit que j'étais dormir? Ah ouais, c'est vrai qu'elle est fait tarde. Ah ouais, bon, alors, je sais pas. Ah bon, c'est une clubeuse. Mais ouais, c'est ça, elle a sur le clubbing. Elle va passer un pauvre survêt pour nous faire croire que, mais il y a encore 5 minutes. Elle était avec sa petite robe. Mais arrêtez avec mon pull à capuche. D'ailleurs, ça se voit parce qu'elle avait une haleine de Red Bull encore. Hein. Pas du tout. N'importe quoi. Bon, alors, c'est quoi l'info de Lady Gaga là? Eh bien, elle veut rencontrer Obama. Bon, tout simplement. Le président américain. Donc, elle a annoncé via son compte Twitter, mais surtout, pourquoi est-ce qu'elle veut rencontrer le président américain? C'est elle veut lui parler de l'homophobie. D'accord. Eh bien, on sait très bien qu'elle défend bec et ongles les homosexuels. Eh bien, maintenant, elle veut carrément aller en parler à Obama pour que les choses bougent. Elle l'a donc annoncé sur son Twitter. Elle a quand même écrit « J'ai passé des jours à pleurer, à réfléchir, à crier. Je suis tellement en colère. C'est dur de ressentir de l'amour quand la cruauté prend la vie de quelqu'un. » Parce qu'en fait, un ado de 14 ans s'est suicidé suite à des insultes homophobes proférées par ses amis de la classe. Et donc voilà, elle a appris ça, Lady Gaga, et donc elle a décidé qu'elle allait carrément aller parler à Obama. Et qu'est-ce qu'il veut Elle aimerait bien que ça bouge un peu au niveau de l'homophobie. Ils peuvent faire un featuring, hein, un petit single ensemble. Ah bah ouais, tiens, ouais, Lady Gaga featuring Obama, ça peut être pas mal. Hein. Voilà, ça pourrait être pas mal. Ouais. Ah, ça peut être un concept, hein. Voilà. En tout cas, peut-être qu'elle va y arriver, on sait pas, Lady Gaga. Hein. J'en parlerai à Barack Obama quand je le verrai. Oui, c'est ça, quand tu le verras. Non, mais quand je vous les dire croiser et vous verrez. Donc j'ai déjà présenté sa femme Michel. Oui, si tu veux, j'ai pas de problème. Mais c'est déjà sa femme en même temps. Ouais, enfin, je pense que piquer la femme d'Obama, ça doit quand même faire très mal. Hein. Ouais, mais sur le CV, c'est pas mal. Hein. Ah oui, ça, c'est une grosse pression, là, du coup. Ah, sur le CV, il est bien. Hein. Bon, 6h42 sur Fun Radio. Dans un instant, nous allons écouter les meilleurs messages de la ligne anti-relou. Laissez au 0473-86-0013. On parlera aussi de ce qui se passe sur les routes. Et puis, un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? La réponse au 63-22, écran plat. Et place pour le parc Astérix à gagner. Bonne chance. Et dans un instant sur Fun Radio, c'est Mika qui arrive. Mika avec le son de Elle me dit, ça va arriver dans 3-4 minutes sur Fun Radio. Restez bien sur Fun. Stop. ça. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. 6h46 sur Fun Radio, on fait un tour du côté de l'infotrafic maintenant. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Soyez prudents, bien encombrant sur la Nationale 4, Bruxelles, Namur, Arlon, Luxembourg, à hauteur de Bastogne, donc en direction d'Arlon. C'est la bande de droite qui est obstruée. Attention, la situation est dangereuse. C'est un morceau de bois qui est sur la chaussée. Puis accident sur le ring d'Anvers, à hauteur de Borkenhout, en direction de Gand. La chaussée est, obstruée, oui, mais ils disent pas laquelle. Donc voilà, on va dire que soyez prudents. Donc faut faire gaffe. À hauteur de Borkenhout. Très bien, bon, bah faites attention. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un radar ou tout simplement d'un bouchon, d'un accident, venez nous en parler pour faire péter la Fun Solidarité. Ça se passe au 30 44, 50 centimes le message. Et si vous avez un smartphone, vous pouvez me faire un mail gratuitement, du coup, mikl@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et chaque matin, les meilleurs messages de la ligne anti-relou, évidemment, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Vous avez donc laissé votre numéro, enfin qui est en fait le nôtre, mais c'est pas grave, ça le relou ne le sait pas. Au relou justement, c'est-à-dire le 0 473 86 00 13, et chaque matin nous écoutons les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou. Alors ce matin, un mix entre les nouveaux et les messages, nouveaux messages et les messages de vendredi, car vendredi, vous vous souvenez, pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu un petit problème, donc tout le monde n'a pas forcément pu entendre ces messages-là. Donc on a fait un espèce de mix ce matin. Écoutez bien le nouveau message de ce matin. Gavrushka, moi aller avec toi au cinéma, toi pour être là. Pas comprendre moi. Non, pas, moi pas aimer ça, pas du tout, ça ne va pas du tout. Je vais venir chez toi, je vais te péter ta gueule. On ne me veut pas des coups comme ça, des lapins posés, moi, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas quel... Et oui, les relous du monde entier nous appellent. Comment a-t-elle osé poser un lapin à ce genre de relou? Il a l'air quand même assez dangereux. Bah, hein. Vaut peut-être mieux. Hein. Mais d'ailleurs, maintenant, elle est en petits morceaux dans un coffre. Oui, c'est ça, voilà, à mon avis, elle est dans... Oui. Exactement. Oh là là. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Oui, c'est Francis. Tu m'as donné rendez-vous devant la société Electra à Grasse-Hollande. Donc je suis là comme prévu. Ça fait déjà une heure que je t'attends. Je suis là dans ma grosse Audi. Si ça te fait plaisir d'aller faire un petit tour dans la voiture, comme ça on passera un petit peu dans ton quartier. Et oui, par chez toi. Voilà, comme prévu, quoi. Ok. Allez, merci, salut. Hein. Bon, je comprends pas comment elle lui a laissé un mauvais plan. Je veux dire, il y a quand même une grosse Audi. Elle pouvait faire un tour dans la grosse Audi. C'est le fameux genre de relou qui pense qu'une grosse voiture, ça excite les filles, mais pas du tout. Alors qu'on sait bien que c'est pas ça. Non, c'est vrai, mais c'est confortable sur la banquette arrière. Oui, c'est vrai que ça dépend. Ouais, ça dépend. Bon, allez, troisième message de la ligne anti-relou. Coucou, ça fait une heure que je t'attends et tu n'es toujours pas là. Il est décédé. Oh non, alors. Ah bah écoute, c'est horrible. Il est parti. Oui, il avait l'air un peu au bout, c'est vrai. En fait, je te confirme. C'est juste qu'il était très fatigué, c'est le tout. Bout du bout. Hein. Et ça, fatigué, fatigué à force d'attendre. Ouais, bah, le bout du bout quand même. On l'a retrouvé au fond du canal. Avec l'autre idée dans le fil. Oui, voilà, c'est ça, dans le même coffre. Exactement. Ouais. Bon, ligne anti-relou qui revient dans une heure, évidemment. 0 473 86 00 13. Dans un instant, Tav va faire chier du monde. Oui, bah oui, c'est normal, c'est le matin, comme chaque matin. Il faut réveiller les gens. Évidemment, évidemment, et on est là pour ça, bien sûr. La réponse également à la devinette qui colle, ce sera dans 5 minutes. Si vous avez la bonne réponse, écran plat ou place pour le parc Astérix, un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? 63-22 pour les bonnes réponses. Et côté son maintenant, on envoie le son de Mika, c'est Elle me dit sur Fun. C'était Mika sur Fun Radio avec Elle me dit. Bonjour et bon réveil tout le monde. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Mais avant cela, nous allons maintenant chercher le monde, évidemment. Et ce matin, Tof, tu vas appeler qui alors? Ce matin, je me suis dit que j'allais appeler des gens pour les réveiller, en fait, et leur dire que comment je vais expliquer ça. Oui, comment tu vas expliquer ça? Il vaut mieux le savoir, non, parce que sinon après ça va être un petit peu compliqué. Non, mais hein. en gros, je me suis fait arrêter parce que j'étais bourré. D'accord, et tu vas appeler quoi? Tes parents? Mais non, en fait, je sais pas si vous avez entendu cette histoire, c'est un Anglais qui rentre chez lui, en fait c'est pas chez lui, c'est chez le voisin. Ouais. Et donc il va se mettre au lit, sauf que dans le lit il y a déjà le voisin, et donc ça s'embrouille forcément un peu. Sa gueule. Voilà, et donc ils se sont mis sur la gueule. Et tu t'espères quoi là du coup? Qu'on vienne me chercher au commissariat, et... parce que bon, je veux pas dormir en prison, moi. D'accord. Bon, bah, c'est pas gagné, mais ok, on va appeler dans quelle ville alors? Bon, on va essayer Ronquière une fois. Ronquière, oui. D'accord, ok. On va se laisser glisser sur le plan. Bah écoute, c'est ça. Allez, c'est parti, on y va. Appelons directement à Ronquière en même temps à 6h54. Je suis pas sûr que les gens viennent te chercher au commissariat, mais bon, on sait jamais. Mais si. Non, vraiment. Puis Orman il snoop aussi juste après. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. C'est moi. Voilà, je vous appelle parce que je me suis fait arrêter par la police. Oh, vous faites erreur, monsieur. Mais non, c'est moi, viens me chercher à la police. Il qui veut... Mais c'est moi. Mais qui, moi? Mais moi, enfin, dis, arrête de jouer. D'accord, j'ai un peu bu, mais tu pourrais quand même venir me chercher. Écoutez, monsieur, moi, je ne sais pas qui vous êtes, je raccroche. Mais c'est moi, raccroche pas. Fille-moi. Mais c'est moi, enfin dis, tu me reconnais quand même. Comment est-ce que je vous appelle? Comment ça, comment est-ce qu'on m'appelle? Comme d'habitude, appelle-moi chérie. Enfin. Ah non, ça n'a pas l'air de l'avoir fait rire. Hein. Bon, on a plutôt refroidi. Non, mais nous on comprend pas non plus. Hein. Ça doit être bon, chérie. On va la rappeler. On va la rappeler. Elle m'a pas reconnu. Bah c'est ça, c'est dommage qu'elle reconnaisse pas son homme. Bah oui. Un homme tellement beau. Masculin. Oui, c'est moi. Monsieur, vous faites une erreur. Allez, sois cool, viens me chercher. Je sais que j'aurais pas... Monsieur, vous faites une erreur. Mais arrête de dire ça parce que tu sais que la police est là. Viens me chercher. D'accord. Monsieur, vous faites une erreur, je vous dis. Mais non, je sais encore faire mon numéro de téléphone, hein. Si je fais une erreur... Où est-ce que vous êtes ici? Où est-ce que vous téléphonez? C'est moi. Où est-ce que... Oui, mais où est-ce que c'est que vous téléphonez? Dans ma maison. Enfin... Mais vous n'êtes pas... Vous n'êtes... Moi, je ne vous connais pas, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, alors, si vous ne me connaissez pas? Je ne vous connais pas. Bah oui, mais vous... pourquoi vous êtes dans ma maison? Vous me cambriolez? C'est moi tranquille. Hein? Vous avez des problèmes pour raccrocher? Vous avez bu un peu aussi, non? Ça y est, vous avez réussi. Voilà. Mais bon. Eh ben voilà. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux après? Ah non, mais on se refait pas, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui. Bah non, mais de Toff, on ne fera plus rien. Non, c'est clair. Bon, on rappellera tout à l'heure, Toff, alors. Hein. Avec plaisir. Voilà, tu as bien nous envoyer un petit verre supplémentaire à la petite sœur. Je crois qu'il y a de la vodka encore. Eh bah très bien, faisons comme ça alors. Parfait. Bon, allez, dans un instant, 7h, les infos avec Julie. Mais avant cela, nous avons la réponse à la devinette qui colle. Et pour avoir la réponse, nous avons maintenant Olivier qui est là de Bruxelles, 38 ans. Bonjour Olivier, comment ça va? Salut, Mickaël, bonjour toute l'équipe. T'es en forme? Oui, super. Ah, c'est bien. Et contrairement à ce que disait Vince hier, moi je trouve que le nouveau standard a un très bon son. Hein. Je n'ai jamais dit qu'il avait un mauvais son. Ah, tu nous entends bien et tout, t'as vu un peu? Oh là là, quelle classe! Oh là là, ça depuis février que je suis revenu sur Fun, personne m'a dit je vous entends bien. Alors que maintenant ça marche, c'est cool. Ça fait plaisir. Bon, Olivier, alors t'appelles de Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles, et tu nous appelles aussi pour la réponse à la devinette qui colle, qui était la suivante. Un homme peut-il se marier avec la sœur de sa veuve? Eh ben fatalement non, parce que si c'est sa veuve, c'est qu'il est mort. Eh ben exactement, ouais, mais tout voilà. À fait. Eh forcément, bah c'est une bonne réponse, bravo à toi Olivier, qui est une bonne réponse. Merci. Qui te permet de repartir donc avec pas mal de cadeaux, puisque tu vas gérer ça avec le standard, hein, donc écran plat ou alors les places pour le parc Astérix. Salut Olivier. Super, génial, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi, à bientôt Olivier, ciao, bye bye. 6h58 sur Fun Radio, restez bien là puisque dans un instant, il y a David Guetta qui va arriver avec Without You. On va vous rembourser vos factures aussi dans un instant, 63-22 en débutant votre message par facture. Et l'info de Julie, ça arrive dans 10 secondes. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 6h59, on passe aux infos maintenant avec Julie. Salut à tous, les FDF quittent l'EMR après 18 ans d'alliance. Les fédéralistes démocrates francophones réunis hier soir en conseil général ont adopté à l'unanimité, moins 3 abstentions, leur départ du mouvement réformateur. Suite à l'accord intervenu sur BHV, ils dénoncent le non-respect des engagements fondateurs de la fédération créée en 1993. Les FDF exigeaient l'élargissement de Bruxelles. Charles Michel, président président du MR, interrogé par l'agence Belga, ne s'est pas attardé sur la question. Il a préféré rappeler que l'essentiel était les négociations et que le MR y travaillait. Du côté des négociateurs, satisfaction générale. Les représentants des 8 partis qui négocient actuellement ont répété hier, sur tous les plateaux de télévision, leur satisfaction après l'accord sur la loi spéciale de financement. Chacun a répété la nécessité des économies à réaliser pour remplir les objectifs budgétaires et tous les francophones ont fait valoir que la révision de la loi spéciale de financement donnera de nouvelles opportunités à la Wallonie qui ne sortira pas plus pauvre de l'opération. Un homme a été abattu dans une fête à Visé en province de Liège. Un habitant d'Ougré a été tué par balle hier soir vers 20h au cours d'une fête organisée dans une prairie. Deux individus ont fait irruption sur place et ont tiré plusieurs coups de feu en direction de la victime, un homme de 39 ans. L'une des balles a atteint ce dernier à la tête. L'homme est décédé sur place. À l'étranger, c'est historique. Les femmes saoudiennes peuvent voter. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a octroyé Abdallah d'Arabie. Ouais, mais c'est-à-dire que je dois enchaîner Abdallah d'Arabie Saoudite. Mais ça va. Ouais, ça va. J'ai réussi. Merci d'avoir relevé. En tout cas, j'avais envie du mal. C'est que tu peux compter sur moi. Ouais, mais ça, je sais. Merci. Donc, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a octroyé donc le droit de vote aux femmes, une première dans ce royaume ultra conservateur où elles subissent de nombreuses restrictions. Pour rappel, elles ne peuvent toujours pas conduire, travailler ou voyager sans l'autorisation d'un homme de la famille. Sport football, fin des résultats de la 8e journée de championnat. Dimanche, Anderlecht s'est fait peur face au Berscott, mais termine quand même 3-2 et le Standard et le Cercle de Bruges se sont séparés sur un nul. Cyclisme, le Britannique Mark Cavendish est devenu champion du monde au terme de 266 km d'une course non loin de Copenhague. Formule 1, Sébastien Vettel a remporté le Grand Prix de Singapour. Jérôme D'Ambrosio a terminé 18e. 7h01 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, on passe à la météo maintenant. Le ciel sera par moments très nuageux, surtout sur le nord du pays et sur le littoral où quelques pluies sont attendues aujourd'hui de 20 à 24 degrés côté température. Demain, normalement, beau temps au programme. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà. 7h01, dans un instant, restez là puisqu'il y a l'info en plus qui va débarquer avec Julie également. Fun Radio. Fun Radio. Et avant la question qui colle dans un petit instant, c'est bien entendu l'info en plus avec Julie. Alors, est-ce que vous connaissez MapMyMobile ? MapMyMobile, c'est une application pour les téléphones portables. C'est pour te retrouver dans toutes tes applications en fait. Et ça, sert à quoi ? Ça te fait le GPS. Je vois les petits regards interrogatifs qui me regardent. Donc c'est une application qui permet de géolocaliser des membres de sa famille. Donc ça veut dire de repérer où sont les personnes de votre entourage quoi. Bah, pour les tracer, mais pour les tracer juste pour savoir ou pour les tracer pour... Écoute, ça c'est à toi de voir pourquoi tu veux d'être tracé. Parce que bon, déjà cette application a été soi-disant créée pour les, par exemple les parents d'ados, tu vois, qui on peut se rassurer où est leur adolescent ou et ça fonctionne avec des... par exemple, le problème. Donc ça fonctionne par SMS et donc il y a un historique de déplacement. Donc on envoie des petits SMS pour savoir à quel moment est telle personne. Ouais, tu as dit ça fait la bonne affaire des ados puisque eux en général veulent un smartphone donc bien cher. Les parents veulent pas. Oui mais comme ça tu peux me tracer. Après tu désactives le truc et ils ont le smartphone et les parents ont bien profond. Oui parce que c'est vrai qu'en général les ados peuvent un petit peu se débrouiller avec des téléphones portables. Ah oui mais mieux que les parents possible. En général. Hein. Mais en tout cas cette application voilà. MapMyMobile. D'accord, ok. Bon, bah pourquoi pas, ça peut être un bon plan. 7h03 sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. Et la petite question qui colle maintenant. Combien DSK a-t-il rapporté à TF1 pour son passage aux 20h? J'imagine que c'est en termes de pub. Ça doit être énorme parce qu'ils ont fait un score incroyable. C'est en euros, quoi. Oui, c'est en euros, mais je veux dire grâce à la pub. DSK a été gratuitement, bien entendu. Bien sûr. Voilà, combien DSK a-t-il rapporté à TF1 pour son passage aux 20h? C'était dimanche dernier. À 100 000 euros près. Hein, on est à 100 000 euros, on va pas chipoter, mais un autre indice, on est dans le million là quand même. Hein. Ah, certainement. Mais je vous le donne. Je vous donne cet indice. On est passé le million. On pouvait pas inviter DSK sur Fun, Libre Antenne, je sais pas, Morning. On l'a invité, ça a fait autant de pubs chez nous. Ouais, chez nous, ça a fait moins de pubs, mais on l'a vu, DSK. Voilà, si vous avez la bonne réponse, donc combien DSK a-t-il rapporté à TF1 pour son passage aux 20h en millions d'euros, à 100 000 près, hein, on n'est pas dans le détail. Eh bien, vous envoyez la réponse au 63-22. Bonne journée, bonne nuit d'abord à Vince. Hein. Oui, c'est ça, je vois que le soleil se lève tout doucement, donc moi je vais tout doucement me coucher aussi. Bah, il est temps. Rendez-vous ce soir, à partir de 20h, Libre Antenne. Tu me rejoins, Mickaël, ce soir? Ah, c'est vrai, normalement, tu dois lui rendre. Ouais, mais je vais déjà le rejoindre pendant une semaine complète, si tu veux, donc il va falloir que je me prépare psychologiquement, mais on vous expliquera. Oui, c'est bon. Ça, voilà, exactement. Allez, j'attends mes vacances avec impatience. Ouais, la bonne nuit, Avis. Beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience. merci Rose beaucoup. Voilà, allez, rejoindre ta maîtresse. Allez, ciao, ciao tout le monde. David Guetta, on écoute le son de David maintenant. C'est Without You sur Fun Radio et on vous rembourse vos factures juste après. Restez bien sur Fun Radio et bon réveil. 7h07 sur Fun Radio avec David Guetta à l'instant. Ah, excuse-moi. Moi, je vais te laisser terminer. Hein. Non, mais ne me remercie pas. C'est tout naturel. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est normal, il fallait quand même le laisser aller jusqu'au bout, ça me paraît la moindre des politesses. 7h08 donc sur Fun Radio, dans un instant la réponse à la question qui colle, qui était la suivante. Combien des SK a-t-il rapporté à TF1 pour son passage aux 20h en euros grâce à la pub évidemment. On a dit que c'était plus du million d'euros évidemment, on était à 100 000 près et donc on est au-delà du million et demi. Voilà, comme ouais. Ça je vous donne un autre indice. Et en dessous de 2. Et en dessous de 2, ouais c'est ça, ouais. Entre 1,5 et 2 millions à 100 000 près, donc combien a rapporté DSK à TF1 pour son passage aux 20h, c'était dimanche dernier avec Claire Chazal. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a bien sûr des cadeaux pour vous, ça tombe sous le sens. Tu crois qu'il prend ses 10% au passage ou pas? Écoute, je sais pas, mais il devrait hein, pour le coup, parce que ça rapporte plutôt pas mal quand même. Mais bon. Bon, on va rembourser les factures là. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Allez, on rembourse les factures maintenant, comme chaque matin sur Fun Radio. 63-22 en débutant le message par facture. 500 euros pour une télé, c'est Laurent. C'est dommage, on offre tous les matins. Prix hypothécaire de 420 euros. L'entretien de la voiture, 378 euros. 101 euros pour l'école primaire. 2700 euros pour un poêle à bois. Une facture de 200 euros, mais on ne sait pas. On ne sait pas exactement. Qui ? Oui, faut que je pousse sur un bouton ou pas ? Oui, il faut que tu appuies sur le bouton pour le mettre à l'antenne. Hop là, ça y est. Oui, c'est un nouveau standard, donc je découvre petit à petit en même temps que vous. Hein. Allez, on appelle je ne sais pas qui pour je ne sais pas combien. J'aime bien, je suis Jocelyne. Oh, c'est dommage, Jocelyne. On remboursait combien là ? 35 euros à Jocelyne. Ah. Allô, Jocelyne, c'est Mickaël. T'étais en direct sur Fun Radio. On t'appelait pour te rembourser ta facture. Malheureusement, tu ne décroches pas et c'est bien malheureux puisque du coup, on ne peut pas te rembourser ta facture de 35 euros. C'est dommage. Ah oui, c'est vraiment dommage. Car du coup, bah, d'autres vont pouvoir tenter leur chance tout simplement maintenant en s'inscrivant au 63-22, en débutant le message par facture, en mettant le montant de la facture et l'objet de la facture. Jocelyne, je te souhaite malgré tout une bonne journée. Tu retentes ta chance, bien entendu, quand tu veux. Gros bisous et bonne journée, Jocelyne. Bon, bah, c'est dommage. Hein. Bah, c'est vraiment dommage. Hein. C'est un peu, oui. Ah oui, oui, ah, bah, moi, c'est vraiment malou. Pas très bien. Restez bien, bien près de votre téléphone. Bah, oui, mais même. Oui, mais c'est normal. Ça pareil. Va à 7h10, on commence à se réveiller. Bon, bah, ça dépend qui, hein, mais bon. Moi-même, par exemple, je suis en train de dormir encore. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est comme ça. Je n'osais pas te le dire. C'est ça. Donc voilà, bon, on remet le couvert maintenant. On rappelle quelqu'un à 8h10 dans moins d'une heure. Quelqu'un qui se sera inscrit entre 7h10 et 8h10. Donc, bonne chance à tout le monde. Là, vous avez plus de chances de gagner puisqu'il n'y a qu'une heure d'inscription. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. C'est un euro le message. Bonne chance tout le monde. Et côté musique maintenant, bon vieux son ça. Flashback en 1994 avec Inika Mose. C'est Here Comes Dog Stepper sur Fun Radio. Bonne matinée. Tiens, il y a un petit SMS qui vient d'arriver là au 3044. Je tiens à m'excuser auprès de Julie. Elle avait raison pour la météo du week-end. Je suis cramé de cramé. C'est Alex de Liège. Eh bien voilà. Voilà. Par contre, je lui ai pris la tête à Julie aussi vendredi parce qu'elle avait annoncé beaucoup de soleil. Je lui ai dit écoute-moi bien. S'il n'y a pas de soleil, je vais t'appeler tous les quarts d'heure. Eh bien, c'était oui. Quasiment ça. Hein. C'était quasiment ça, oui. Et puis, que s'est-il passé ? Eh ben, le soleil le s'est couché. Le soleil est arrivé. Et vendredi. Et là, il s'est directement calmé. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, non, par contre, samedi et dimanche, effectivement, ce fut de belles journées, bien sûr. Mais le soleil est déjà arrivé à partir de midi vendredi. Ouais, arrête de raconter des bêtises, Mickaël. J'avais pas de chance, j'avais qu'un seul nuage au-dessus de ma tête. C'est bizarre. Ouais, bah oui. Il était au-dessus de toi. Ah ouais, ça doit être ça. Lucenzo arrive dans un instant avec Don Omar. Ça sera Danza Kuduro sur Fun Radio. Et puis la réponse aussi à la question qui colle avec les cadeaux à gagner. Combien DSK a-t-il rapporté à TF1 pour son passage aux 20h? On proposait 170 000 euros. Non, j'ai dit que c'était c'était au-delà du million et demi et en dessous des 2 millions et qu'on n'était pas à 100 000 près. Voilà, donc on chipote pas. TF1, il chipote pas avec voilà, ce genre TF1, de TF1, il chipote pas. 100 000 plus, 100 000 moins, c'est pas non plus la mort. 1 300 000, non, c'est bien au-dessus. 1 700 000, c'est... un peu plus, techniquement. Un petit peu. Ouais, c'est un petit peu plus, exactement. 1 900 000, c'est un petit peu moins, donc c'est quand même pas mal. Hein. Ils ont quand même fait une personne sur deux regarder DSK la semaine dernière sur TF1, en France en tout cas. Donc ça va, c'était plutôt une bonne... c'était pas mal, quoi, pour TF1. Ah bah c'était une très très bonne soirée. C'était une très très bonne soirée, effectivement. Très bon. Rentable. Ah, très rentable. Bon, allez, on va se faire l'horoscope maintenant avec l'ami Doudou, comme chaque matin, il est 7h16. Fun Radio. L'horoscope. Alors, Doudou, il a passé un bon week-end ? Oh là là, non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ah, c'est le voisin, il a décidé de faire les travaux pendant le week-end. Ah, et du coup, vous avez pas pu dormir ? Exactement. Déjà que j'avais pas d'argent pour sortir avec Marie-Audrey, alors bah du coup j'ai dû noyer mon malheur dans l'alcool. Ah ouais, c'est mal, mais enfin c'est pas grave Doudou, c'est qu'un seul week-end là. Bon, allez, vous allez noyer ça dans l'horoscope ? Bah oui, j'ai pas trop le choix hein, ce matin. Bah c'est ça. Bon, alors les béliers. Profitez de la vie, accordez-vous chaque minute à l'amour. Les taureaux. Ne vous mettez pas sous pression à cause de cette petite baisse de forme. Les gémeaux. Dormez beaucoup et mangez beaucoup plus régulièrement que pour le moment. Très bien. Les cancers, comme Julie. Réfléchissez. La politique de l'autruche ne vous conduira à rien. Oh là alors là. Sautez la tête. Oui, c'est vrai que moi, je suis une belle autruche. Pas du tout. Je pense que Doudou a quelque chose contre moi. Mon horoscope n'est jamais bon. C'est pas vrai. Il est bon, mais c'est parce que tu fais pas d'efforts. C'est vrai. Bon. Les lions. C'est une bonne journée pour vous laisser aller. Tu vois, ces lions, c'est le signe d'après, ça va bien. Il va être chiant, c'est parce que c'est pas le mien. Les vierges. Mettez sans remords la pédale douce aujourd'hui. Reposez-vous. Les balances. Un développement positif pourrait avoir lieu, car un ami a une bonne idée que vous pourriez écouter. Les scorpions. C'est une très bonne période pour les affaires d'argent. Les sagittaires. C'est avec votre persévérance et votre énergie que vous surmontez tous les obstacles. Les capricornes. Même si vous vous sentez aujourd'hui sans entrain, vous êtes plein d'énergie pour atteindre vos objectifs. Les verseaux. Rien ne viendra déranger un dîner romantique et votre partenaire, elle va apprécier. Ah. Je ne vous dis pas comment elle va finir la nuit. Elle will, monsieur. Oui, après ça dépend, mais moi je parle aux féminins. Ah d'accord. Et enfin, les poissons. Moi les hommes, ça m'attire pas beaucoup. Oui, je me doute bien, Doudou. Et les poissons pour finir. Épargnez vos nerfs et n'exagérez en rien aujourd'hui. Très bien, parfait. Soyez positif. Mais oui, bien sûr, c'est la règle. Merci Doudou, à dans une heure. Bien sûr, je bouge pas, y a pas de problème. Tant mieux. Allez, à tout à l'heure, à dans une heure pour un prochain horoscope. Et puis restez bien avec nous aussi, puisqu'on va s'écouter le son de Lucienzo avec Don Omar. Maintenant, c'est Danza Kuduro sur Fun Radio. Lucienzo sur Fun Radio avec Don Omar, c'était Danza Kuduro. Si vous aimez ce style de musique, rancard tous les week-ends, sur Fun Radio le vendredi entre minuit et 1h du mat, juste après Keep It Real, c'est l'Invasion Latina avec bien évidemment l'ami Manuel. 7h21 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, la réponse à la question qui colle et un message qui est arrivé aussi. C'était quoi le son juste avant? Ça fait un petit temps que je la cherche, ça me rajeunit pas. Bisous à toute l'équipe, c'était Inika Mosé avec Here Comes the Hot Stepper. Oui. Et Julie qui dansait. Ah oui, alors là, je n'ai pas arrêté de danser. Elle n'a pas arrêté de danser. Elle était sur la table. Ah oui, non, mais là, ça elle c'était la folie. À la barre. Ah ben, un truc de malade. Un truc de dingue, vous imaginez même pas. Et le champagne coule à flot dans le studio. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est la folie. Hein. Tout à fait. Bon, dans un instant, l'info, on va arriver aussi avec Julie. Et avant ça, une petite question. Est-ce que vous vous souvenez de Francky Vincent ? Il n'y a pas que la fête dans la vie. C'est un ami Doudou, d'ailleurs. Oui. Son meilleur pote, je pense. C'est bon. Voilà. Donc il avait fait la ferme, il avait fait la ferme célébrité aussi. C'est vrai, mais il a fait surtout un énorme hit. La chanson que Julie doit adorer. Ah oui, c'est celle-là. Tu veux mon zizi. Oui. Je m'en rappelle effectivement. Chanson que j'ai écoutée en boucle à l'époque. Ah mais on n'en doute pas. Elle mettait ça à fond dans sa polo. Au feu rouge et tout, dès qu'il y avait un mec, elle baissait le carreau. Exactement, ouais. Non, en fait, en gros, si je parle de Francky, c'est parce qu'il avait ouvert un restaurant, mais bon, ça s'est pas super bien passé. Et comme tous les grands chanteurs, bah, il a fait une chanson pour raconter son histoire, en fait. Écoutez. Francky Vincent, le restaurant, c'est un rêve à réaliser. Voilà, donc, alors on comprend qu'il s'est un petit peu pris la tête avec le personnel et bon il a un message spécifiquement pour eux en fait, écoutez. Hop là, oui forcément ce n'est pas le bon que j'ai mis, et oui c'est un drame, mais écoutez, donc c'était un petit message pour le personnel, voilà. En enfoiré, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CD de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropre. Il sent pas mal quand même, le Francky. Hein. Ah oui, on sent qu'il est un peu énervé quand même. Il a l'air un petit peu vénère, ouais, effectivement. Il a un peu remonté quand même. Ouais, un petit peu, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, bah voilà, alors on peut pas dire, on peut dire qu'il dit ça gratuitement. Parce qu'au final, il s'est encore rien passé dans le restaurant. Mais heureusement, il décrit ce qui se passait dans le restaurant, justement. J'étais absent, certainement en tournée. Les ouvriers faisaient venir des prostituées. Il y avait le menuisier qui est très sérieux. Quand je pense que j'ai payé ces enfoirés. Ah ouais, très sympa, encore Oula une fois, Francky. Hein. Il règle ses comptes. Ouais, et puis, ce qui est bien, c'est toutes les femmes des ouvriers qui sont très heureuses d'apprendre ce qu'il faisait sur le chantier de Francky Vincent. Mais, bien évidemment, mais c'est pas tout, il y a la secrétaire aussi. Hein. La secrétaire venait toutes les soirées, sortait avec un client désiré, et couchait aussi avec le DJ, envisageait de draguer le cuisinier. Ah oui, c'est quand même sympa, hein, coucher avec tout le monde, tout ça. Et alors, la question, la secrétaire, franchement. Bah ouais. Et la question qu'on peut se poser, si c'est. Et la question qu'on peut se poser, c'est. Et les serveurs dans tout ça. J'ouvre la chambre, moi, devinez ce que je vois. Un serveur ou une serveuse est en train de baiser. Il va pas par quatre chemins, hein. Et bah, du coup, le Francky, bah, il a bien dû renoncer à son rêve. J'ai décidé de me séparer de ces crevures. Mon rêve, j'en ai marre, c'est un cauchemar. Vive la chanson, à la restauration. Et voilà, vive la chanson, ah bah la restauration. Je ne suis pas sûr que dans son cas, il faut dire vive la chanson vu ce qu'il fait, mais bon, après, pourquoi pas. Hein. Non, mais c'est avant qu'il aurait dû faire cette chanson. Hein. Je suis sûr que ça aurait pu faire un très très bon club échangiste, hein, son restaurant. Merci, c'est un fouet, certainement, oui. Certainement, hein, on n'en doute pas un instant, effectivement, que ça aurait pu cartonner. Voilà, donc notre ami Francky Vincent, bien sûr. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Voilà, Francky Vincent qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure aussi, évidemment. Bon, allez, on va passer maintenant à la réponse à la devinette qui colle, à la question qui colle, pardon. Et nous avons Valérie qui est avec nous. Salut Valérie de Namur. Valérie, oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Valérie. Bonjour. Comment vas-tu? Tout va bien. Bah écoute, tant mieux. Alors t'es à Namur, 107.5 pour écouter Fun Radio à Namur. Oui, à la plante. Bah très bien. Tu fais quoi de la vie, Valérie? Je suis directrice de maison d'enfants. Directrice de maison d'enfants. Crèche privée, si vous voulez. D'accord, ok, donc crèche bien chère. Voilà. Oui. C'est elle qui va les traumatiser pour toute leur vie. C'est ça, ouais. C'est elle qui va les flaguer dès le début, tu vois. Ils n'auront plus aucune chance après, les pauvres. C'est malheureux, bien mais c'est comme ça. Bon, alors attention, tu as la réponse à la petite question qui colle. Je vais te la rappeler, bien évidemment. Combien a rapporté DSK à TF1 lors de son passage il y a une semaine tout pile? 1 780 000 euros. Alors la bonne réponse est 1 791 390. Ah oui, mais on avait dit qu'à 100 000 près, ouais, on chipotait pas. Donc effectivement, bravo à toi Valérie. Tu repars avec les cadeaux. Il est passé dimanche 18 septembre, il y a une semaine, et Dominique Strauss-Kahn a permis à TF1 de gagner donc ce presque 1 800 000 euros grâce à cette soirée. C'est énorme. C'est un truc de fou. Donc rien qu'en pub télé, quoi. C'est un truc de dingue. 1 800 000 euros. T'imagines un peu la violence du dos là. Oui. Tu vas gagner ça en combien de temps, Valérie, toi, à peu près? En 163 vies. Un siècle, non. Je ne gagnerai jamais ça. Ah, bah, un siècle, t'es bien payé, hein. Oui, c'est une crèche privée, je te l'ai dit. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, après, il y a l'auto aussi, il faut essayer. Bon, enfin, bon. Oui, oui. Bon, bah, en tout cas, Valérie, bravo à toi, c'est gagné. Tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées, il n'y a pas de problème, oui. D'accord? Merci, bonne journée. Mais gros bisous et bonne journée à toi également, Valérie. À bientôt. Merci. Et puis les autres, bah, si vous voulez. Ah bah, au revoir, Valérie. Et puis les autres, si vous n'avez pas gagné encore, bah, ce n'est pas grave. Nous avons bien sûr la petite devinette qui colle qui s'enchaîne, bien sûr. Devinette qui colle, c'est entre 7h30 et 8h. Attention, écoutez bien. Il y a un écran plat à gagner ou des places pour le parc Astérix. Certains mois ont 31 jours, mais combien en ont 28? Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un euro le message et écran plat à gagner ou place pour le parc Astérix. Certains mois ont 31 jours, combien en ont 28? La bonne réponse, 6322, bonne chance tout le monde et restez là. Dans un instant, c'est l'info qui arrive avec Julie et également le son des Deepside DJs. Les Deepside DJs dans un instant sur Fun Radio avec Never Be Alone, ça va arriver dans une minute sur Fun. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun. Radio. Il est 7h29 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Si vous sortez du lit maintenant, c'est la bonne nouvelle. Dans un instant, nous allons vous réveiller avec Toff. Enfin, on va réveiller des gens puisque Toff, malheureusement, est un peu bourré. Il faudrait que la personne qui va appeler vienne le chercher au commissariat. Ça s'est un peu mal passé tout à l'heure à 6h50. Mais on remettra le couvert d'ici 20 minutes. Et j'ai également la petite devinette qui colle pour les écrans plats et les places pour le parc Astérix. Certains mois ont 31 jours, mais combien en ont 28? Bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde, bien sûr. Et à 7h30 tout pile, l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, ça y est, le divorce est prononcé. Les FDF quittent le MR après 18 ans d'alliance. Les fédéralistes démocrates francophones réunis dimanche soir en conseil général ont adopté à l'unanimité moins 3 abstentions leur départ du mouvement réformateur. Suite à l'accord intervenu sur BHV, ils dénoncent le non-respect et des engagements fondateurs de la fédération créée en 1993. Les FDF exigeaient l'élargissement de Bruxelles. Charles Michel, le président du MR, interrogé par l'agence Belga, ne s'est pas attardé sur la question. Il a préféré rappeler que l'essentiel était les négociations et que le MR y travaillait. Et puis la Libre Belgique et RTL TVI ont dévoilé les résultats du baromètre politique. PS en Wallonie et à Bruxelles et NVA en Flandre, Caracol toujours en tête. Il faut toutefois noter que le sondage a été effectué avant les accords sur BHV et sur la loi de financement et avant le divorce MR-FDF. Un homme a été abattu dans une fête à Visé en province de Liège. Un habitant d'Ougré a été tué par balle dimanche vers 20h en cours d'une garden party. Deux individus ont fait irruption sur place et ont tiré plusieurs coups de feu en direction de la victime, un homme de 39 ans. Il est décédé sur place. Les auteurs des faits ont pris la fuite. Aujourd'hui débute la semaine du cœur. Les maladies cardiovasculaires et particulièrement l'infarctus du myocarde restent la première cause de mortalité et de morbidité en Belgique. C'est l'occasion d'informer la population sur l'infarctus du myocarde. 15 000 Belges en sont victimes chaque année et malheureusement 7 000 en meurent. À l'étranger, c'est historique. Les femmes saoudiennes peuvent voter. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a octroyé le droit de vote aux femmes et elles peuvent également se présenter. Une première dans ce royaume ultra conservateur où elles subissent de nombreuses restrictions. Pour rappel, elles ne peuvent toujours pas conduire une voiture ou encore voyager sans l'autorisation d'un homme de la famille. Sport, football, fin des résultats de la 8e journée de championnat dimanche. Donc hier, Anderlecht s'est fait peur face au Berscott, mais termine tout de même 3-2. Et le Standard et le Cercle de Bruges se sont séparés sur un nul. Cyclisme, c'est le Britannique Mark Cavendish qui est devenu champion du monde. Et puis en Formule 1, Sébastien Vettel a remporté le Grand Prix de Singapour. Jérôme D'Ambrosio a terminé 18e. 7h32 sur Fun, la météo maintenant. Le ciel sera parfois très nuageux, en tout cas surtout sur le nord du pays, et de la pluie est attendue sur le littoral. Il fera quand même très doux, maxima de 20 à 24 degrés. Le reste de la semaine s'annonce radieux. Ah oui, j'ai vu 23, 24, 25, 26 degrés. L'été est arrivé. Et oui, c'est l'été indien. Mieux retard que jamais au final. Hein. Bah oui, ouais, exactement. C'est bien aussi qu'il arrive un peu plus tard. Bah ouais. Oui, c'est ça, c'est plutôt un bon plan. Je plains bien sûr tous ceux qui ont décidé de partir en last minute. En disant, c'est tellement dégueulasse, je me casse. Exactement. Bah maintenant il fait beau, tiens. Ils auraient bien attendu un peu plus. C'est vrai, ouais. Bon, allez, l'info en plus maintenant, July. Eh bien, un bar à sieste, ça y est, ça existe en plein cœur de Paris. Enfin, il était temps. Voilà, on l'attendait depuis des années. Mais voilà. Bien cher. Hein. Et bien voilà, mais qui n'a jamais rêvé de s'éclipser, allez, 10 minutes pour faire une petite sieste après un bon repas. Moi, je m'éclipse pas, je fais ça dans mon bureau. Bon, moi, c'est plutôt 2-3 heures. Hein, mais écoute, pour ceux qui. Non, mais on conseille maximum 20 minutes. Hein. Ah oui, non, mais d'accord, mais après, entre ce qu'on se conseille et ce qui est bon. Mais en tout cas, les Parisiens, eux, peuvent s'offrir ce luxe, puisque le zen a été donc ouvert. C'est donc un bar à sieste, comme son nom l'indique, forcément. Il propose aux personnes de venir se reposer en plein milieu de l'après-midi ou le matin, enfin un petit peu comme vous voulez. Mmh. Et le lieu met donc à disposition des cabines de relaxation. On peut avoir de la musique douce dans les oreilles, une couverture, peut-être même un petit massage et ce genre de choses. Le prix, 12 euros pour 15 minutes. Ah oui, quand même. C'est quand même un peu cher la sieste. Hein. Ah oui, bah, je vais peut-être pas faire 2-3 heures, effectivement. Voilà. Là-dessus, ça te calme. Ah oui, 12 euros pour 15 minutes, effectivement, c'est peut-être un peu cher quand même. Vous seriez prêt, vous, à claquer 12 euros là, pour 15 minutes, vous qui êtes derrière la radio, là, pour pouvoir faire une petite sieste dans un bar à sieste? Dites-nous, tiens, 30-44, est-ce que vous le feriez pour 12 euros? Ou même si c'était un peu moins cher, combien vous donneriez pour faire une petite sieste dans un bar à sieste? Moi, perso, j'en aurais 0. Ouais, non, mais c'est vrai que là, tu... Oh bah, mais bon, là, voiture, t'as des petits, tu peux demander un petit massage, mais je pense qu'à mon avis, il y a sûrement un supplément encore à payer. Bah, bien sûr, mais bon, t'as une cabine de relaxation, quoi, donc t'as de la musique douce. Ouais, mais enfin, pour 15 minutes. Moi, je pense que même 15 minutes, ça doit te faire du bien. Ouais, peut-être, ah ouais, je sais pas. Certainement. Bon, bah, vous qui êtes derrière la radio, là, est-ce que vous donneriez 12 euros pour ces 15 minutes, justement, si on ouvrait un bar à sieste dans votre ville, en fait, par exemple? 30-44. On en ouvre un ici. Bah, pourquoi pas? Ah, bah, je te confirme. 30-44, et Julie fera les massages. 44 si vous voulez tout simplement nous donner votre avis ou sur mikael@funradio.be. On va revenir dans un instant après le son des Deep Side DJs sur Fun Radio. C'est Never Be Alone. Je vous rappelle aussi la petite devinette qui colle. Certains mois ont 31 jours, combien en ont 28? Écran plat à gagner ou place pour aller au parc Astérix. C'est au 6322 que vous envoyez vos messages. C'était le son des Deep Side DJs sur Fun Radio, Never Be Alone, 7h38. Bon réveil tout le monde, j'espère que vous passez une bonne matinée, que la nuit fut douce et agréable. Bah, le lundi c'est difficile, hein, le week-end est derrière nous. Ah oui, c'est donc ça, mais comme le vendredi c'est difficile parce que la semaine est derrière nous. Donc... Ouais. Non mais le lundi c'est final, particulièrement reste 3 jours, hein, quand même. Hein. Tu sais, alors le dimanche soir c'est comme ça hyper déprimant. Non, ça va encore. Que le ah ouais, non, moi le dimanche soir je déteste ça. Ah ouais? Ah non, ouais, non, moi ça a été encore, bah, ça dépend des jours après, mais heureusement t'as les experts sur RTL. Oh non, attends, c'est dépassé les experts, faut arrêter maintenant. Tu diras ça à tous ceux qui regardent les experts et Dieu sait qu'ils sont nombreux. T'inquiète pas que si RTL et TF1 continuent à le diffuser, c'est que ça marche assez bien. C'est qu'il y a une raison. Ouais, sinon ils mettraient les schtroumpfs, hein, t'inquiète pas. Non mais t'inquiète pas. Ça t'inquiète cartonne pas. Aussi les schtroumpfs. Oui oui, c'est vrai, ça cartonne, c'est vrai. Bon allez, on appelle quelqu'un maintenant qui va gagner. Souvenez-vous, la semaine dernière et tout ce week-end, on a fait l'opération Britney Spears, où vous repartiez avec l'album de Britney Spears, Femme Fatale. Mais et surtout. Et donc, tirage au sort ce matin pour repartir direction Paris. Britney Spears. Surtout ça, Hi, this is Britney Spears with you on Fun Radio. Fun Radio vous offre les ultimes places pour le concert de Britney Spears. Exactement. Alors attention, ladies and gentlemen, c'est parti. Nous allons appeler maintenant quelqu'un qui a joué avec nous. 3 ou 4 Julie. 3. 3. Allez hop, c'est parti. En gros, on a sélectionné quelqu'un qui a joué avec nous pendant toute la semaine dernière ou ce week-end. Quand je dis nous, c'est pas forcément dans le morning, hein, c'est toute la journée sur Fun Radio. On appelle quelqu'un au hasard maintenant. Toff a choisi 4 numéros. Julie en a choisi un parmi les 4. Et nous appelons en direct maintenant pour vérifier s'il décroche. C'est aussi simple que ça. Si ça décroche, il repart direction Paris. Tout frais payé, l'hôtel, le transport et les places pour Britney Spears. Sympa, non? C'est très sympa. Plutôt, hein. Je veux bien partir avec l'auditeur. Comment s'appelle-t-il ou elle? Il s'appelle. D'accord. Ou elle s'appelle. D'accord. On sait pas. Allô, j'ai le numéro. C'est allô, il. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Thierry, bonjour. Comment tu t'appelles? Thierry. Salut Thierry. Salut. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. C'est pas vrai. Tu sais pourquoi je t'appelle? Ah oui, je sais, pour Britney, pour Weekend. Eh oui, ouais, tu repars avec tes deux places direction Paris pour assister au concert Britney Spears. Les dernières places sont pour toi. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que tu vas même pouvoir aller dormir à Paris puisqu'on te paye l'hôtel également. Trop bon. Il n'y a pas de problème. Bravo oui, à toi, Thierry. La Gaulle. Eh oui, c'est ça, ouais, tu m'étonnes. Tu vas aller avec qui, Thierry? Avec ma femme, j'avais dit vendredi. Ah, c'est toi qui es passé vendredi, d'accord, ok. Bah tu vas avec ta femme, il n'y a pas de problème. Passe une bonne journée en tout cas, Thierry. Ok, comment je fais? Non, tu restes... Tu restes au standard, t'inquiète. D'accord, merci et gros bisous à vous. Salut. Bisous Thierry. Allez. Ciao à toi Thierry, bye bye. Bon, bah voilà la bonne nouvelle. J'en ai une deuxième bonne nouvelle, tiens, maintenant. Ça n'arrête pas là. Allez, deuxième bonne nouvelle. Vas-y, balance. Britney Spears. Hi, this is Britney Spears with you on Fun Radio. Fun Radio vous offre les ultimes places pour le concert de Britney Spears. Car oui, en fait, on m'a annoncé ça ce matin. Effectivement, on a Britney l'a appelé, elle lui a fait Hi Michael. Yes. Hi, this is Britney Spears. I love you. Je lui ai dit, écoute, casse-toi, tu me saoules. Et donc, en gros, bah, j'ai deux places de plus à vous filer maintenant. Ouais, arrête. Mais deux comme places. Ça. Bon, là, par contre, c'est que deux places sèches. Hein. Vous démerdez pour aller jusqu'à Paris. Hein. Et donc j'ai deux places de plus à vous filer maintenant et à Julie qui tire la gueule. Ah, pourquoi c'est pas moi qui ai les deux c'est places? C'est dégueulasse. Je t'avais demandé deux places, tu m'en as pas donné. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. Bon, si vous voulez choper les éditeurs, vos places, rien pour moi. Bah, c'est normal. Hein. T'es déjà largement bien payé. Oh là là, je crouse. En plus, t'es journaliste, t'as des avantages fiscaux, t'as tes entrées partout. Arrête, c'est ça. Voilà, 63-22, débutez le message par Star maintenant. Et on vous file vos deux dernières places pour le concert de Britney Spears. Et là, par contre, on fera un tirage au sort dans moins d'une heure. On appelle le gagnant ou la gagnante pour ces deux places, justement, pour le concert de Britney Spears. Les toutes dernières places pour le concert de Britney Spears sont sur Fun. 63-22, débutez le message tout simplement par Star. Allez, bonne chance tout le monde. Et dans un instant sur Fun Radio, DJ Fresh avec Larder. Ça, ça va vous réveiller, sa bande de feignasses. Hein. Allez, debout là-dedans. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 7h46 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. On passe maintenant à l'info trafic avec July. À cause d'un incendie, le Langel. Alors attention. Le quoi? C'est en Flandre, hein. Donc c'est la police d'Anvers qui signale qu'à cause d'un incendie, le Langelozenstraat est fermé dans les deux sens. Bah mais voilà. Et puis objet encombrant sur le 34 Anvers en direction d'Eindhoven, donc des Pays-Bas, à hauteur de Oude Turnhout. C'est un objet métallique qui est sur la chaussée. D'accord. Et puis je vous rappelle cet objet encombrant sur la nationale 4 Bruxelles en direction de Arlon, à hauteur de Bastogne. Un morceau de bois est au kilomètre 144.4. Très bien. Donc faites gaffe si vous êtes sur la route. Et puis si vous êtes témoin également d'un problème sur la route, que ce soit un bouchon, un accident ou même un radar, n'hésitez pas à nous transmettre l'info. Bien sûr, nous on donnera, on fera péter la Fun Solidarité évidemment, ce qui vous permettra d'éviter les problèmes, les bouchons ou même les radars forcément. Donc voilà, vous nous envoyez vos messages au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors par mail, c'est mikael@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Exactement, 7h48 sur Fun Radio. Nous allons maintenant écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est tous les matins à 7h15, 8h15 et 9h15. Et nous écoutons les messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou grâce à vous les filles. Enfin, car vous êtes victimes justement. C'est grâce à ça que nous avons les relous à l'antenne évidemment. Puisque le concept est simple, si vous êtes une fille, généralement, ça peut arriver aux mecs mais plus rarement, eh bien vous êtes nombreuses à vous faire emmerder, on peut le dire, par les relous du quartier. Ah oui. Et d'ailleurs, ils sont partout. Tout à fait, donc vous allez en boîte, vous allez en soirée, vous allez entre copines, et il y a toujours un relou qui va débarquer, vous prendre la tête, va vouloir votre numéro de téléphone parce qu'il est persuadé que vous serez la femme de sa vie, sauf qu'en fait ce sera pas le cas. Et donc pour vous débarrasser de lui, bah avant vous donniez votre numéro, ce qui en fait était simplement un sursis, puisque bah il allait vous appeler le lendemain maximum. Sauf que là, vous donnez un numéro de téléphone, donc vous avez la paix, et quand il appelle, bah il tombe chez nous. Et du coup, nous on se marre. En du moins on essaye. Écoutez maintenant les messages laissés sur cette ligne anti-relou. Allô, Bino. Qui m'a donné rendez-vous, mais personne n'a trouvé. Je sais pas, tu m'as posé lapin, Tu m'as posé lapin. Je crois pas. Je crois pas. Tu veux me contacter, tu t'es donné mon numéro, celui de la tuteur, la nuit même, pas de soucis. Bisous. Allez, autre message laissé sur la ligne anti-relou. Gavrushka, moi aller avec toi au cinéma, toi pour être là. Pas comprendre moi. Non, pas aimer ça, pas du tout, ça ne va pas du tout. Je vais venir chez toi, je vais te péter ta gueule. Que on ne me veut pas des coups comme ça, des lapins posés, moi, ça ne va pas. Très bien, ça a au moins le mérite d'être clair. Ah là là, non mais il fait peur. Hein. Bah oui, lui, oui, mais c'est normal en même temps qu'il lui ait pas donné de nouvelles. Hein. Ouais, c'est ça, mais maintenant s'il la retrouve. S'il la retrouve. Découpé dans le coffre d'une Lada. Probablement. Voilà, envoyé dans le canal. Oh, non mais le type, tout simplement. Le malade. Et oui, il y a des gens un petit peu bizarres. Oui, un peu bizarres. Mais bon, je suis entouré de gens bizarres. Je vois pas de qui tu parles. Non, plus rien, non plus. Plus rien ne m'inquiète. Troisième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, c'est Francis. Tu m'as donné rendez-vous devant la société Electra Grasolagne. Donc je suis là comme prévu. Ça fait déjà une heure que je t'attends. Je suis là dans ma grosse Audi. Si ça te fait plaisir d'aller faire un petit tour dans la voiture, comme ça on passera un petit peu dans ton quartier et... Voilà, comme prévu, quoi. Ok. Bien sûr. Allez, merci, salut. Hein. Voilà, grâce à eux, tous les matins, on a l'occasion d'écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. Retenez bien ce numéro, 0473 86 0013. Il y aura l'info dans moins de 10 minutes avec Julie. On va encore appeler avec Tof des gens là pour un peu les emmerder là quand même, hein. Bah ouais, c'est le matin, faut les réveiller, faut les mettre de bonne humeur. Mais oui, il faut les réveiller de bonne humeur. Je vous rappelle également qu'il y a des places pour le concert de Britney Spears, les toutes dernières à gagner. On a fait gagner celui qui est parti all-in avec le transport, l'hébergement, c'était Thierry il y a quelques instants. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai encore des places sèches, comme on dit, c'est-à-dire que vous n'avez que les places pour le coup, faut vous démerder pour aller jusqu'à Paris. Parce qu'il faut savoir que Thierry, il a eu des places mouillées. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, le concert à Paris aura lieu la semaine prochaine, c'est le 6 octobre, et on vous offre ces places gratos maintenant au 6322 en débutant votre message par star. Faut savoir aussi que Julie tire la gueule puisqu'elle m'avait moi demandé des places aussi. Elle me dit, ah ben je peux avoir des places. J'ai dit, ouais. Quoi, il y en a plus. Je peux jamais rien avoir. Mais il y a un petit SMS tout mignon qui est arrivé. Oh. Ah. Si je gagne, je les offre à Julie. Oh. Oh. Bien con lui, hein. Ah bah oui, mais je pense qu'on va rappeler ce numéro. Oui, c'est ça, venu du bien con quand même, hein. Bon, et autre jeu également, là c'est pour les écrans plats, il y en a beaucoup ce matin, désolé. Écrans plats à gagner et place pour le parc Astérix. Certains mois oui, ont on 31 désolé, jours. Oui. Des cadeaux, les gars. Pardon, bah ouais, pardon de vous offrir des écrans plats. Mais ouais, mais je veux bien aussi un écran plat. Hein. Certains mois ont 31 jours, combien en ont 28? Là aussi la réponse au 6322 en débutant le message avec la réponse, tout simplement. On vous appelle dans moins de 10 minutes pour vous offrir ces écrans plats ou les places pour le parc Astérix. Certains mois ont 31 jours. Combien en ont 28? Bonne chance tout le monde. Côté musique maintenant sur Fun Radio à 7h52. On écoute DJ Fresh maintenant avec Lauder sur Fun. Ça va, vous êtes réveillés? Oui hein. Oui, là je pense que... Mais bon, le son de DJ Fresh à l'instant avec Lauder. Dans un instant, il y aura Likely, Likely aussi avec I Follow Rivers. Ah, c'est plus soft, c'est ah, plus c'est doux. Plus soft, c'est plus moi, sympa pour le matin. Mais oui, elle adore July. 7h56. Ça, on se réveille tout doucement. Bah, imagine, le mec, il a mis son réveil, c'est DJ Fresh. Oh là là. Bon, pourquoi qu'il ait laissé un peu fort de la veille. Mais c'est fini, quoi. C'est ça. Là, sa journée commence très bien. C'est clair. Dans un instant, la réponse à la petite devinette qui colle, bien sûr. On appellera aussi la personne qui s'est inscrite. Vous avez encore un petit peu de temps, là, pour les places pour le concert de Britney Spears. Il me reste deux places à vous filer, deux places sans le transport et l'hébergement. Vous avez deux places, vous démerdez pour aller à Paris, c'est jeudi prochain le 6 octobre. Si vous voulez gagner ces places. Non mais oui, pas très loin non plus. Hein. Si vous voulez gagner des places, 6322, débutez le message par star et on vous rappelle d'ici quelques instants. Donc restez bien là, on fera péter les factures aussi dans un instant. Et puis Tof, donc toujours pas des cuvées alors? Je crois pas. Ouais. Bon bah ce matin, Tof a vu une info en fait où un mec est rentré bourré chez son voisin en pensant qu'il était chez lui. Ouais, et quand le mec bourré a voulu se mettre au lit, bah il a pas bien compris pourquoi il y avait déjà son voisin dans le lit. Voilà, c'est ça. Et donc toi tu espères que les gens que tu vas appeler vont venir te chercher au commissariat. Exactement. Bon, c'est pas gagné. On a appelé à Ronquière, ça s'est plutôt mal passé. On va donc appeler où maintenant? Arlon. Arlon, d'accord. Et allez, ça c'est va parti. Bien se passer. Oui, bah j'imagine. C'est parti, on appelle maintenant en direction Arlon. Allez, hop là. Ça se passera à mon avis mal, enfin on verra bien. Pronostic, Julie? Échec. D'accord. Comme d'hab. Oui, c'est ça. Voilà, déjà, ça ne croche pas, donc si tu veux. Allô? Allô? Allô? Oui, allô? C'est moi. J'ai été arrêté par la police. Qui ça? C'est moi. On se comprend rien. J'ai été arrêté par la police et il faudrait que tu viennes me chercher au commissariat. Mais c'est pour qui? Bah c'est pour moi. Parce que en fait, je crois que... Mais c'est comment votre nom? Mais comment ça, c'est comment mon nom? Tu me reconnais pas? Non. Mais enfin, c'est moi. Oh ben moi je reconnais pas, merci. Mais tu vas pas me laisser à la police? Mais non. Ah si si, elle va te laisser, hein. Ah, mais ça voilà. Revient. Ah si si, elle va te laisser à la police. On va la rappeler, elle avait l'air gentille. Ah oui. Ouais. Allez, oui. C'est parti, on rappelle à Arlon maintenant. Elle m'a pas reconnu. Non, bah ça doit être ça le problème. Bah, dis donc, elle est partie où là? Oui. Oui, allô. C'est pas gentil ce que tu fais. Moi, je suis là et ils vont me garder toute la nuit si tu viens pas me chercher. Écoutez, si vous voulez pas vous taire, moi je vais téléphoner à la police. Mais j'y suis déjà, ça sert à rien. Voilà, bah, tu vas y rester à mon avis, hein. Bah oui, c'est pas cool. Oui, c'est vraiment pas cool. Hein. C'est vraiment non. Ah, c'est ballot, ballot, ballot, ballot. C'est dommage. Ah ouais, tant pis. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas juste. Bon, tout à l'heure, on retentera le couvert, Tof. Bah oui, j'espère voilà. Bien. On essaiera tout à l'heure. Bon, allez, on va prendre Angélique qui est avec nous maintenant. Salut Angélique. Salut. Comment vas-tu, Angélique? Ça va. Angélique de Liège, 32 ans, 99 FM pour écouter Fun à Liège. Alors Angélique, tu fais quoi dans la vie? Je ne travaille pas pour l'instant. Tu ne travailles pas, tu cherches dans quoi? Si tu cherches, hein. Je cherche pour être accueillante d'enfants. D'accord, bon bah si vous cherchez quelqu'un, hein, accueillante d'enfants. Je suis resté un grand enfant, donc moi tu peux m'accueillir quand tu veux. C'est ça, ouais. Ok, pas de soucis. Ah, très bien, je te reprends en standard. C'est Angélique. C'est ça. Bon, à tout de suite. Angélique, tu as la réponse à la devinette qui colle. Je vais donc rappeler cette devinette qui colle. Certains mois ont 31 jours, mais combien en ont 28? 12. Combien? 12. Ah, 12, j'ai compris 10. Je me dis merde, elle donne la mauvaise réponse. Non, non. Bon, 12, effectivement, c'est une bonne réponse. Beaucoup ont dit 1. Eh oui, voilà. Bizarrement, quand bah même. Ouais, bah, oui, ouais, parce que... bah oui, oui, mais bon, ils ont tous 28 jours au minimum. Il y en a qui sont maximum 28, voilà. Mais là, c'est minimum. Bon, bah bravo à toi, Angélique. Tu repars avec les cadeaux, écran plat ou place pour le parc Astérix. Tu gères ça au standard, ok? Ok, merci. Gros bisous à Liège. Salut Angélique, à bientôt. Merci, ciao. Ciao. Dans un instant, on va vous rembourser vos factures. Là aussi, pour les inscriptions, 6322. Vous débutez par facture, votre message. Avec le montant de la facture et l'objet de la facture, c'est 1 euro le message. On vous rembourse les factures dans moins de 10 minutes. Et on écoutera également Likili. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Ce sera I Follow Rivers sur Fun. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Il est 8h maintenant, passons à l'info avec July. Salut à tous, ça y est, le divorce a été prononcé hier soir. Les FDF quittent l'EMR après 18 ans d'alliance. Les fédéralistes démocrates francophones réunis hier soir en conseil général ont adopté à l'unanimité, moins 3 abstentions, leur départ du mouvement réformateur. Suite à l'accord intervenu sur BHV, ils dénoncent le non-respect des engagements fondateurs de la fédération créée en 1993. Les FDF exigeaient l'élargissement de Bruxelles. Charles Michel, lui, le président du MR, a préféré rappeler que l'essentiel était les négociations et que le MR y travaillait. Et puis la Libre Belgique et RTL TVI ont dévoilé les résultats du baromètre politique. PS en Wallonie et Bruxelles. PS en Wallonie et à Bruxelles. Et puis NVA en Flandre, Caracol toujours en tête des sondages. Sondage qui a été effectué, pour rappel, avant les accords sur BHV et sur la loi de financement. Et puis avant aussi le divorce MR-FDF. Un homme a été abattu dans une fête à Visé en province de Liège. Un habitant d'Ougré a été tué par balle hier soir vers 20h au cours d'une garden party. Deux individus ont fait irruption sur place et ont tiré plusieurs coups de feu en direction de la victime, un homme de 39 ans qui est décédé sur place. Les auteurs des faits sont en fuite. Aujourd'hui débute la semaine du cœur. Les maladies cardiovasculaires et particulièrement l'infarctus du myocarde reste la première cause de mortalité et de morbidité en Belgique. C'est l'occasion d'informer la population sur l'infarctus du myocarde. 15 000 Belges en sont victimes chaque année et malheureusement 7 000 en meurent. En France, victoire historique de la gauche au Sénat. La gauche française a remporté les élections sénatoriales en faisant basculer la deuxième chambre du Parlement dans son camp pour la première fois depuis la 5e République, provoquant donc un bouleversement politique à 7 mois de la présidentielle. Et puis, ce qui est historique également, c'est que les femmes saoudiennes peuvent enfin voté. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a octroyé le droit de vote aux femmes et de se présenter, une première dans son royaume ultra conservateur. Pour rappel, elles ne peuvent toujours pas conduire une voiture ou encore voyager sans l'autorisation d'un homme de la famille. Sport football, résultat de la 8e journée de championnat hier dimanche donc. Anderlecht s'est fait peur face au Berscott et termine 3-2. Et puis le Standard et le Cercle de Bruges se sont séparés sur un nul. Cyclisme, c'est le Britannique Mark Cavendish qui est champion du monde. Et puis en Formule 1, Sébastien Vettel a remporté le Grand Prix de Singapour. Jérôme D'Ambrosio a terminé 18e. Il est 8h03 sur Fun Radio. Passons maintenant à la météo. Le ciel sera encore très nuageux sur le nord du pays. De la pluie est attendue sur le littoral. Mais le reste du pays devrait être assez ensoleillé. Température de 20 à 24 degrés. Et surtout, le reste de la semaine s'annonce radieux. Ça fait plaisir. 8h03. Restez bien là dans 30 secondes. Nous irons faire un tour du côté de l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Il est 8h04 sur Fun Radio, bon réveil. Dans un instant, on vous rembourse vos factures cash. On cherche pas à comprendre là. 7h10, ce n'est pas tombé. Donc à 8h10, ça va tomber. Du moins, je l'espère. Puisque vous vous êtes inscrit entre 7h10 et 8h10, il vous reste 5 minutes donc pour le faire. 63-22 en débutant le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Alors, l'info en plus. Alors, je voulais vous parler de MapMyMobile. MapMyMobile. Qu'est-ce que c'est ? C'est une application donc pour téléphone portable. C'est un mouchard pour pister son partenaire ou son ado. En fait, l'application a été inventée surtout pour les parents qui sont un petit peu inquiets de savoir où est leur adolescent, etc. Et ce sont des SMS qui vous alertent donc avec l'historique de déplacement de où est parti votre... Ce qui est vachement pratique, c'est de mettre ça sur le téléphone de sa copine. Voilà, et bien évidemment, forcément, il y a des gens qui ont pensé que ce serait pratique pour pister son amoureux ou son amoureuse. Alors que celui qui a inventé MapMyMobile, donc l'application, dit que c'est une bonne solution qui a été imaginée pour les adolescents. Bien sûr. Les trois quarts d'entre eux ont forcément un portable et au moment où ils commencent à être autonomes, les parents commencent à être inquiets ça peut aider tout le monde. Mais voilà. Bien sûr. Tiens, Julie, donne-moi un peu ton iPhone, je vais t'installer un truc sympa, tu vas voir, c'est un nouveau jeu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Mais quelle horreur, franchement. Oh, ça peut être bien. En permanence. Et donc, Julie, qu'est-ce que tu fais là? Il y a déjà ça sur Facebook, Foursquare, je pense. Tu peux dire où tu es. Ouais, mais bon, là, tu le dis volontairement. Tu Mais je crois que maintenant, quand tu mets tes statuts, je pense que le statut, il est indiqué en dessous, écrit depuis Bruxelles. Ouais, mais ça, tu peux choisir. Oui, d'accord, tu peux choisir, mais moi je trouve ça dingue. Moi j'ai pas activé ce machin là et je l'activerai jamais. Elle est à l'ancienne, d'ailleurs elle utilise son iPhone que pour téléphoner. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et encore. Elle envoie des SMS. Je sais pas comment ça fonctionne, mais, tu penses. Mais c'est tout, là pour le design. Elle utilise comme miroir, comme il y a la caméra devant. Ah, je suis belle. Je vais me refaire un petit peu de maquillage, c'est vachement bien. Bon, 8h06 sur Fun Radio, dans un instant on vous rembourse vos factures. Ça, je vous l'avais promis. 63-22, vous débutez le message par facture. Il y en a pas mal qui sont arrivés là justement. On va faire un tour du côté des factures maintenant. 286 € pour le loyer, ça va, le loyer n'est pas cher. 137 € pour Proximus, merci Fun, continuez comme ça, de rien, merci à toi. 580 € pour des nouvelles pièces pour l'ordinateur, taxe voiture 208 €, 150 € pour l'entretien de la voiture, qu'est-ce qu'il y a aussi, 62 € pour la clinique, Mobistar 86 €, on vous appelle dans un instant pour vous rembourser vos factures cash. Pas faire mieux là. Donc 63-22, 1 € le message, débuté par facture avec le montant de la facture. Il est 8h07 et on va se faire une petite balade maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est Licky Lee maintenant, c'est I Follow Rivers sur Fun Radio. Licky Lee sur Fun Radio, I Follow Rivers. Ça met une bonne humeur ça. Moi je préfère ce genre de son, oui, qu'un truc violent comme tu aimes nous mettre le matin. Bah non, mais c'est pas que j'aime bien, c'est que c'est comme ça, c'est DJ Fresh qu'on a écouté tout à l'heure. Et là, Licky Lee avec I Follow Rivers, on va vous payer vos factures. Ça me paraît un bon deal ça, hein. Allez hop. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, tous les matins, on aime bien ça, puisque en même temps c'est pas notre pognon, donc autant faire profiter tout le monde. À 7h10, 8h10 et 9h10, on rembourse vos factures. C'est aussi simple que ça pour les inscriptions. Il suffit d'envoyer un SMS au 63-22, c'est 1 € le message. Vous débutez votre message par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on vous rappelle, tout simplement, à 7h10, ça n'a pas décroché. Donc j'ai dit que du coup, on appellerait quelqu'un qui s'est inscrit uniquement entre 7h10 et 8h10. Allez hop, on y va. Ça sonne, ça c'est le point positif. Allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui te paye tes factures tous les matins ? Ah, Mickaël sur Fun Radio. Eh oui ! Ah oui, bien. Ah oui, je me rappelle qu'il existe. Eh oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Christophe, très bien Christophe. Toi, on va rembourser combien d'ailleurs justement ? Nous allons rembourser 40 €. 40 €, on va te payer quoi avec 40 €? Une assurance pension. Écoute, pourquoi pas. Ce qui ne sert plus à grand chose pour l'instant. Tu as quel âge, Christophe? 25 ans. Ouais, mais c'est bien dit pour d'y croire. Enfin, d'y croire. L'assurance, ça va, mais c'est bien de le faire. Hein. Ben oui. Bah non, mais c'est vrai. C'était fiscalisable. Hein. Bah en plus. C'est surtout ça, oui. Mais en plus, mais t'as bien raison. Bon, bah écoute, Christophe, y a pas de problème. On va te payer ça, y a aucun souci. Tu nous envoies la facture et puis on te fait un virement dans les plus brefs délais. Salut, Christophe. Ça va, génial. Je reste en ligne. Ouais, tu restes en ligne, ouais. À bientôt, va, Christophe. Ciao à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao, bye bye. Bon, bah voilà, bonne nouvelle. Bonne chose de faite à l'instant, tiens. Bon, je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez qu'on vous rembourse aux factures, voiture. On remet le couvert dans moins d'une heure. Pour les inscriptions, donc c'est 63-22. Débutez votre message tout simplement par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Voilà, en toute simplicité. Je vous rappelle également qu'il y a toujours les places pour le, pour les places, les places à gagner pour Britney Spears. Voilà, ah maintenant oui, aussi au 63-22, là aussi, en débutant votre message par par star. Voilà, j'oublie, j'ai tellement de trucs à offrir ce matin, j'oublie. Voilà, mais c'est vrai. Je ne sais plus à quoi. Je sais. Voilà, 63-22, les places pour le concert de Britney Spears qui aura lieu à Paris le 6 octobre. Vous débutez votre message par star, c'est 1€ le message et on vous appelle dans moins d'une demi-heure pour vous appeler pour vous dire ouais, tu as gagné tes deux places. Comme on l'a fait tout à l'heure avec Thierry qui part à Paris tout frais payé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y aura la déclaration express tout à l'heure. Nickel. Et à la radio. Lady Gaga, pardon. John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je vais lui clair en 6, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Lady Gaga sur Fun Radio qui a donc demandé officiellement de rencontrer Barack Obama, hein, on en a parlé tout à l'heure avec Julie. Fun Radio. L'horoscope. Bon, l'horoscope maintenant, 8h17. Ah, Doudou, il y a bonne nouvelle, il y a un patron de bar qui vous a compris, Doudou. Ça y est. Ah bon ? Oui. Mais c'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils allaient pouvoir dormir là. Dans quelques jours, il y a un bar à sieste qui va ouvrir. On en avait parlé avec Julie aussi tout à l'heure. Ah, mais c'est génial ça. Bah, c'est plutôt. Je vais pouvoir dormir dans le bar sans me faire mettre à la porte. Exactement. Et vous allez pouvoir même commander des massages. Ah, oh, mais c'est ça, c'est le bar qu'il me faut. Je vais y aller tous les jours. Oui, alors le seul problème, c'est que c'est à Paris pour l'instant. Hein. C'est ça le problème. Bah oui. C'est que je peux pas y aller. Bah c'est ça. Bon, allez, on va commencer avec les béliers, Doudou. Alors profitez de la vie et accordez-vous chaque minute à l'amour. Très bien, les taureaux. Ne vous mettez pas sous pression à cause de cette petite baisse de forme. Les gémeaux. Dormez beaucoup et mangez plus régulièrement. Les cancers. Réfléchissez, la politique de l'autruche ne vous conduira à rien, alors sautez la tête. Les lions. C'est une bonne journée pour vous laisser aller. Les vierges. Mettez sans remords la pédale douce aujourd'hui, mais oui, pas d'excès. Les balances. Un développement positif pourrait avoir lieu car un ami a une bonne idée que vous devriez écouter. Les scorpions. C'est une très bonne période pour les affaires d'argent, mais n'en jetez pas trop quand même. Non, mais ça c'est sûr. Les sagittaires. C'est avec votre persévérance et votre énergie que vous surmonterez tous les obstacles. Les capricornes. Même si vous vous sentez aujourd'hui sans entrain, vous êtes plein d'énergie pour atteindre vos objectifs. Les Verseaux. Rien ne viendra déranger un dîner romantique. Votre partenaire appréciera. Et enfin, les poissons. Épargnez vos nerfs et n'exagérez en rien. Voilà, laissez les choses venir. Mais ça ira très bien. Mais c'est bien mieux comme ça. Merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Ah mais oui, avec plaisir, de rien, bon. Je reviens sans problème. Tant mieux. Bon, il y aura tout à l'heure aussi la petite déclaration express avec Sébastien Loeb. On fera le petit déj express, là aussi, si vous voulez jouer avec nous pour repartir avec des cadeaux. 30-44 par SMS, vous débutez le message par déj, D-E-J. Et donc le but, c'est off avec un plateau de serveur, avec des objets dessus, doit faire le tour du studio. Et bah, en courant évidemment, et vous devez deviner combien d'objets il va réussir à garder sur son plateau. C'est pas compliqué, il est nul. Hein. Oui, en gros. Donc, ça se situe entre 0 et 0. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas vrai. Personne n'a jamais fait autant que moi à ce jeu. Ouais, bah, ne t'enflamme pas non plus, va. Ne t'enflamme pas. Bon, il y a 8h20, j'ai la petite devinette qui colle aussi à vous poser là pour repartir là aussi avec les écrans plats et les places pour le parc Astérix. Un indice, comme quoi elle est simple, Julie a trouvé. Merci. Alors, s'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est poli. Alors réfléchissez. Dites-moi de quoi il s'agit. Qui est-il ? Eh oui, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, je vous le répète, s'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est poli. Alors réfléchissez. Moi j'ai un indice également, ça. Dites-moi de quoi s'agit-il ? Qui est-il ? Oui, vas-y, dis-moi. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oui. Bah oui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que les 7 nains ont à voir là-dedans ? Mais justement, rien du tout, Toff. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, 5€ le message et surtout place pour le parc Astérix à gagner ou alors écran plat. C'est aussi simple que ça. Il y a 8h20 sur Fun Radio. On va s'écouter le Rom Pom Pom Pom de Rihanna maintenant. C'est Men Down sur Fun. Le son

place pour aller voir le concert de Britney Spears. Tu parles de Britney quand tu dis gros cadeau? Non, non, pas du tout. Non, le transport, le transport et l'hébergement pour aller à Paris, ça s'est tombé chez Thierry. Et il me reste deux places à vous filer pour le concert de Paris. Ce sera le 6 octobre donc à Paris. Et donc bah, deux places à gagner pour le concert de Britney Spears. Concert complet au 63-22 en débutant votre message par Star. 8h29 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est l'info maintenant avec Julie la baronne. Salut à tous. Ça y est, le divorce a été prononcé hier soir. Les FDF quittent le MR après 18 ans d'alliance. Les fédéralistes démocrates francophones réunis hier soir en Conseil général ont adopté à l'unanimité moins 3 abstentions leur départ du mouvement réformateur. Suite à l'accord intervenu sur BHV, ils dénoncent le non-respect des engagements fondateurs de la fédération qui avait été créée en 1993. Les FDF exigeaient l'élargissement de Bruxelles sur l'accord BHV, mais ils ne l'ont pas eu. Au lendemain, Charles Michel, président des libéraux, se dit ni soulagé ni inquiète. Il s'est dit plutôt certain que cette clarification politique allait servir son parti avant de préciser que selon lui, le FDF avait viré à gauche. Et puis la Libre Belgique et RTL TVI ont dévoilé les résultats du baromètre politique. EPS en Wallonie et à Bruxelles et NVA en Flandre caracole toujours en tête des sondages. Sondage qui a été effectué pour rappel avant les accords sur BHV et sur la loi de financement et avant le fameux divorce MR-FDF. Un habitant d'Ougré a été tué par balle hier soir vers 20h dans une fête à Visée dans la province de Liège. Deux individus ont fait irruption sur place et ont tiré plusieurs coups de feu en direction de la victime, un homme de 39 ans. L'une des balles a atteint ce dernier à la tête. Il est décédé sur place. Les auteurs des faits ont pris la fuite. Aujourd'hui débute la semaine du cœur. Les maladies cardiovasculaires et particulièrement l'infarctus du myocarde restent la première cause de mortalité en Belgique. C'est l'occasion d'informer la population sur l'infarctus du myocarde. 15 000 Belges en sont victimes chaque année et malheureusement 7 000 en meurent. En France, victoire historique de la gauche. Au Sénat, la gauche française a remporté les élections sénatoriales en faisant basculer la deuxième chambre du Parlement dans son camp pour la première fois depuis la 5e République, provoquant un bouleversement politique à 7 mois de la présidentielle. Et puis en ce qui est également historique, c'est que les femmes saoudiennes peuvent voter. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a octroyé le droit de vote aux femmes et de se présenter. C'est une première dans ce royaume ultra-conservateur. Pour rappel, elles ne peuvent toujours pas conduire une voiture ou voyager sans l'autorisation d'un homme de la famille. Et puis aujourd'hui, c'est mieux, moins de femmes au volant. Merci Tof pour ta réaction. Et puis aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour commencer l'examen de la candidature palestinienne d'adhésion aux Nations Unies. Un vote devrait prendre au minimum 4 semaines. Enfin, en sport football, résultat de la 8e journée de championnat. Hier, Anderlecht s'est fait peur face au Berscott, mais termine tout de même 3-2 et le Standard et le Cercle de Bruges se sont séparés sur un nul. Cyclisme, le Britannique Mark Cavendish est devenu champion du monde. Et puis en Formule 1, Sébastien Vettel a remporté le Grand Prix de Singapour. Notre Belge Jérôme D'Ambrosio a terminé 18e. Et à 8h32, maintenant passons à la météo. Le ciel sera encore très nuageux sur le nord du pays, de la pluie même attendue sur le littoral. Dans le reste de la Belgique, il va faire beau, température de 20 à 24 degrés. Et puis surtout, le reste de la semaine s'annonce radieux. Ça fait plaisir, très plaisir. L'info en plus, c'est dans 3 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et ben voilà, 8h33, c'est l'info en plus maintenant. Une info en plus qui plaît beaucoup à notre doudou. Notre marabout. Ah oui, non, c'est pas normal, c'est pas vraiment. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est parce qu'après, il va dire oui, je suis pas vraiment marabout, je suis peut-être. Non, il dit qu'il est marabout, il dit qu'il n'est pas voyant, il dit qu'il est marabout. Ouais, mais bon. En tout cas, l'info en plus parle d'un bar à sieste qui s'est ouvert en plein cœur de Paris. Ah, mais oui, exactement. Ah, voilà, il est revenu juste pour nous en parler. Oui, j'entendais, on parlait de moi, là, je suis venu. Voilà, exactement. Donc, une info qui te fait plaisir, Doudou, c'est qu'un bar à sieste, on peut bien sûr, forcément, il tient bien son nom, aller faire une petite sieste. Exactement. Après un bon repas ou comme ça, tu prends une pause au boulot et tu hop, tu vas te faire une petite sieste au bar à sieste qui s'appelle Zen. Il faut pas d'excuses pour faire la sieste. Non, voilà. Non, bien sûr. Faites la sieste quand vous voulez. Allez, donc rendez-vous au Zen. Voilà, donc ça c'est des la bonne nouvelle. Cabines hein. De relaxation vous y attendent avec peut-être aussi des massages si Mais vous oui, le voulez. Ça, c'est musique toujours douce la bonne nouvelle. Sur les oreilles, voilà. Et couverture bien calée. Il n'y a voilà, plus qu'à se réchauffer sur le lit. Bien. Sur le lit chauffant. Et sortir sa carte Visa. Et sortir sa carte Visa, qu'est-ce que oui 15 minutes sont facturées quand même 12 euros. Un petit peu cher la sieste. Ah oui, ça fait cher la sieste. Si vous voulez vous rendre au bar à Paris, c'est dans le deuxième arrondissement. Ah oui, si je ramène autant que je fais la sieste, je vais me ruiner. Ah, ah oui, ça, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, ben l'info tout court et l'info en plus reviennent évidemment à 9h du matin, donc restez bien là. Dans un instant, on paiera vos factures, ce sera dans une demi-heure. On aura aussi l'occasion d'écouter la ligne anti-relou et de jouer au petit déj express juste après le son de Sarah maintenant, la belle Sarah qu'on va écouter maintenant. Avec Shaggy, c'est Champagne sur Fun Radio, 8h34. Bonne matinée. 8h37 sur Fun Radio, c'était Sarah et Shaggy à l'instant avec Champagne. Bienvenue sur Fun Radio. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Dans un instant, on va vous appeler pour que vous puissiez nous donner la bonne réponse à la petite devinette qui colle. S'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est poli. Alors réfléchissez, dites-moi de quoi il s'agit. La bonne réponse au 6322, c'est un euro le message. On a donné un indice tout à l'heure avec Julie. Blanche-Neige et 7 ans de malheur. Voilà, et 7 ans de malheur également. Ultra facile. Voilà, écran plat à gagner ou place pour le parc Astérix. La bonne réponse à envoyer au 6322. Je répète, s'il vous voit vieillir, non, s'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est poli. Alors réfléchissez, dites-moi de qui il s'agit. Qui est-il, 6322? N'hésitez pas. Nous avons maintenant Michel qui est avec nous. Salut Michel. Oui, salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Bon, oui, oui, ça va bien, Michel. Alors, t'appelles de Marche en Famène, Michel? Oui, c'est cela. Bah oui, c'est cela, très bien. Et tu appelles pour jouer au petit déj service. Le petit déj service, c'est relativement simple. Toff a donc un plateau avec combien d'objets aujourd'hui? 10 comme d'habitude. 10 comme d'habitude. Et c'est surtout où j'ai retrouvé. Ah, ah non, mais attends, pleine. C'est une bouteille pleine. Oui. Ça, ça fait peur. Une bouteille pleine d'eau. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, non, bah mais, oui. Ouais, par contre, si ça pète, ça pète. Hein. Mais oui, bah c'est ça. Ouais. Enfin bon, après, il se démerde. Bon, alors attention, il y a 10 objets sur le plateau que Toff va porter. En plus, t'as bien un serveur aujourd'hui. Je sais pas si t'as remarqué, Julie, mais. Mais oui, oui, depuis ce matin, je suis assez. J'ai oublié mon petit papillon. Ouais, je suis assez étonné. Il a mis une espèce de pantalon. Pantalon de costard, comme de costard, ça. Et une chemise blanche. Une chemise blanche. Hein, bon, et donc, Michel, l'amour, à ton avis, quand il aura fait le tour du studio, combien d'objets va-t-il rester sur le plateau? Pas grand-chose. Oui. Oh mon Dieu. Ah, tu dis qu'il en restera 8. Alors Michel, oui. C'est juste pour être sûr, Toff n'est pas serveur, Toff est très maladroit, il y a 10 objets, quand il aura fait le tour, combien va-t-il en rester? Je te laisse une chance supplémentaire. Ouais, je vais dire 3, allez. 3, allez, c'est parti, allez. Eh ben voilà, ah, ben voilà, 0. Non, mais tu l'as tenu avec ta main, tu plaisantes ou pas? Attends, voilà. Il reste une bouteille. Non, il reste 0 parce que tu l'as tenu avec ta main. Il y a de la main, casse, hein. Voilà, c'est ça, il y a eu de la casse comme d'habitude, ouais. Bon, bah, Michel, malheureusement, c'est perdu, hein. Je t'avais dit, il fallait pas être optimiste. Alors, t'imagines 8? Bah, oui. Bah, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, Michel, tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? Salut Michel, ciao à toi, bientôt, bye bye. Ouais, bon, c'est pas grave, on remettra le couvert demain et pas de problème. C'est le cas de lire, couvert, serveur. Ah merci, bon, merci Michel pour cette blague, incroyable. Bon, écoute, je t'en prie, hein, je l'ai travaillé depuis plusieurs. Je suis vraiment impressionné. Ça fait plusieurs semaines que je suis sur l'affaire. Hein. Oui, non, on commence bien la semaine. Là, on sent que le ton est donné et que ça va être. Bon, dans un instant, on parlera du trafic, évidemment, on aura la ligne anti-relou et bien évidemment le son de. Maroon 5 avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, restez bien là. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, 8h45, on fait un tour du côté des problèmes de la route. Soyez prudents, accident sur la 8 Bruxelles en direction de Tournai-Lille à hauteur de Halle. Une équipe est en route, un accident donc s'est produit là. Accident également sur la N629 à hauteur de Spa. C'est dans les deux sens, la chaussée est fermée pour effectuer le dépannage d'un car. Et puis accident également sur le ring, évidemment extérieur de Bruxelles, forcément. À hauteur de Wemmel, un petit peu comme tous les matins en direction de Halle. C'est la bande de gauche qui est obstruée et oh, comme par hasard, il y a des files à cet endroit, au kilomètre 44. Le hasard comme par hasard. Hein. Oui, vraiment, comme par hasard. Très bien, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas, vous non plus, à nous le signaler. 30-44 par SMS et 50 centimes le message, ou alors gratos si vous avez un smartphone. Vous me faites un petit mail, mikl@funradio.be, comme ça on peut prévenir les autres auditeurs de Fun, ce qui est quand même plutôt un bon plan au niveau solidarité. Je suis sûr que vous aimeriez bien qu'on vous prévienne. oui. un problème, hein, oui. pour éviter ce problème justement. Surtout Toff. Bah, oui, ah bah surtout. Oui. Avec cette Twingo, il fait au moins du 200 tous les matins. Oh, bah, limite. Minimum. Ça n'arrête pas. C'est attends, minimum. Que les flashs. C'est Twingo vol. C'est que du flash, que du flash. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Bon, il y a 8h46, nous allons maintenant écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est un numéro qu'on met à votre disposition, les filles, surtout les filles, ça peut aussi servir pour les garçons, mais en général c'est plutôt les filles. Numéro de téléphone qu'on met à votre disposition pour vous débarrasser des relous. Concrètement, en gros, bah, si vous êtes en soirée par exemple, en boîte, dans un bar, soirée entre amis, que vous croisez un relou qui vous tient la jambe, et bien pour vous en débarrasser, avant vous, si vous faisiez, soit vous lui mettiez un pain et donc forcément ça terminait mal. Oui, c'est vrai qu'on fait souvent ça. Hein. Voilà. Les filles frappent souvent les mecs. Ouais, comme mais ça. Des filles violentes. Hein. Regarde, ah, Julie, oui, non, oui. Julie nous frappe tous les matins. Oui, mais ouais. ça c'est pour la bonne cause, c'est tu vois. Ça, ouais. J'essaye de, il faut de savoir, mettre sommes, un petit peu les idées en place. Nous sommes des hommes battus. Ah oui, certainement. Il faut savoir qu'en boîte, elle a déjà tué plusieurs personnes. Hein. C'est ça. Et même la police a peur puisqu'on ne l'a pas arrêté. Regardez, vendredi, ils sont venus. La police est venue pour coffrer Julie en direct et ils sont partis sans moi. Ils sont partis sans elle en déposant un petit déj tellement ils ont peur de Julie. Non, mais c'est la quête du quartier. Mais ils ont tout le monde a peur. Ah bah. Depuis qu'elle a dit j'emménage là-bas, ils ont perdu 50% de la population. Mafiosa, c'est elle. Hein. Exactement. Ah ouais. La baronne, hein, rappelez-vous. Ah ouais, c'est ouais. la baronne. La baronne de tout, hein, vous inquiétez rappelez-vous. Pas. Rappelez-vous. Hein. Ah ouais, c'est la terreur du quartier. De ma mafone, tout le monde a peur. Bon, et donc du coup, bah, on a laissé à votre disposition ce numéro, la ligne anti-relou, 0473 86 0013. Et on écoute maintenant le premier message. Il n'est toujours pas là. Oui. Ah, je vais encore t'attendre 10 minutes. Et puis, je vais peut-être partir, je ne sais pas. Faut voir. Ouais. À une prochaine fois. Oh Dieu, arrête, le bruitage horrible. Il est presque mort. Oh non, mais non. C'est que je te dis. Il moi. Était juste très fatigué. Ah non, ouais, tout. Ça devait être ça. Ouais. Il était juste très suicidaire. Oui, très suicidaire. Peut-être un peu aussi au bord du suicide, mais surtout très fatigué. Ouais, ça doit être ça. Ouais, allez, rappelons qu'il y a des médicaments qui luttent contre la dépression. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et rappelons qu'on en distribue beaucoup trop dans le monde. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Allô, Rino. Tu m'as donné rendez-vous, mais personne n'a fait. Je sais pas, tu m'as posé la fin. Tu m'as posé la fin. Je pensais qu'il y avait un bon feeling entre nous. Oui. Je crois pas. Je crois pas. Enfin, tu veux me contacter. Tu t'es donné mon numéro. Comme j'en ai dit, la nuit même. Pas de soucis. Bisous. Mais allez hop, les derniers messages maintenant pour la ligne anti-relou de ce matin. Gavrouska, moi aller avec toi au cinéma, toi pour être là. Pas comprendre, moi, non, pas, moi pas aimer ça, pas du tout, ça ne va pas du tout. Je vais venir chez toi, je vais te péter ta gueule. Parce que on ne me veut pas des coups comme ça, des lapins posés, moi, ça ne va pas. Oh, il est très sympathique, hein. Ah, ouais, non, ouais, un mec cool. C'est un mec bien, c'est un mec sympa. Et... Il a l'air vachement bien, effectivement. Non, il faut l'avoir dans ses amis, je pense. Ça, c'est sûr. Bon, message qui est arrivé, Mickaël, radar mobile, vu à Chaumont-Gistoux sur la chaussée de Huy. C'est une Toyota Avensis banalisée. Donc faites gaffe si vous êtes dans le coin, justement. Il est 8h49 sur Fun Radio. Dans un instant, Batov va continuer à appeler. Pour fâcher le monde, hein. Bah oui, hein. C'est un métier chez moi. Mais voilà. C'est ça qu'il est sur Terre. Et la réponse également à la petite devinette qui colle, elle va arriver dans un instant. Le temps d'écouter Maroon 5 sur Fun avec Christina Aguilera, c'est Moves Like Jagger, bon match. Maroon 5 sur Fun Radio avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Comme tous les matins, nous sommes là jusqu'à 9h30 sur Fun Radio, il est 8h53. Et la réponse dans un instant, la devinette qui colle, s'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est poli. Alors réfléchissez, dites-moi de qui il s'agit. Julie avait donné un indice tout à l'heure. Blanche-Neige. Et moi j'avais dit 7 ans de malheur. Voilà. Facile, ultra facile. Oui, autre message, Toff en a peur. Oui, parce que oui, s'il passe devant, bah, il hurle. Voilà, c'est ça. Si, je confirme. Alors, voilà, la bonne réponse au 63-22. Oui, Toff, tu... Non, c'est pas grave, on l'a pas entendu, je pense. Il a parlé loin du micro. Ah, donc, ça va, non, je dis, c'est lui qui a peur de moi. Ouais, c'est ça. Donc... Bien sûr. Donc, si vous avez la bonne réponse, 63-22. Bon, Toff l'a dit, mais un peu loin du micro. Donc, si vous avez été attentif, normalement, vous devriez l'avoir entendu, mais on sait jamais. Bon, allez, on va continuer à faire chier le monde maintenant. Donc, on va souffler dans le ballon, Toff, hein. Je l'ai déjà fait. Et c'est pour ça que la police, elle veut pas que je reprenne ma voiture. Mais ouais. je comprends pas pourquoi. Bon, bah nous, on sait. Hein. Bon, ce matin, Toff donc appelle des gens pour qu'ils viennent le chercher au commissariat, tout simplement. Oui, j'appelle pas des gens, j'appelle chez moi. Oui, oui, c'est vrai. Sauf que c'est pas vraiment chez toi, hein, parce qu'en fait, il a vu l'histoire de cet Anglais ivre mort qui est rentré chez son voisin en pensant être chez lui. Et donc, bah, du coup, forcément, il va essayer de faire pareil, c'est ça? Ouais, hein, voilà. Bon. Moi, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas essayer. Bah, c'est moi, je vois pas non plus. On a appelé à Ronquière, voilà, ça s'est mal passé. On a appelé à Arlon, ça s'est mal passé, pardon. On va appeler où alors maintenant? À Flémal, comme ça, si ça flémal, je sais pourquoi. Merci pour cette vanne magnifique. Allez, hop, c'est parti. Oh là, qu'est-ce qui se passe? On y va, on appelle. Voilà. On proposait ma glace pour la réponse à l'énigme. C'est vrai qu'on peut appeler ça comme ça, mais c'est pas la réponse qu'on cherche. Allô, allô, chérie? Ah, vous faites erreur, monsieur. Non, je me suis pas trompé. Je vous appelle parce que je me suis fait arrêter par la police. Oui, ben vous vous êtes trompé de numéro. Parce que j'avais trop bu. Alors, faudrait que tu viennes me chercher. Allô? Oh, bah, elle est sympathique, celle-là. C'est très, très bref. Hein. Bah oui, je comprends pas. Bah, déjà qu'on entend mal. Bon, faut la rappeler. Bah oui, là, on va la rappeler directement. Déjà qu'elle a un téléphone pourri en plus, hein. En plus, elle est impoli. Bah, attends, mais oui. Bon, rappel, attention, c'est parti. Vous vous trompez de numéro, monsieur. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi si je me suis trompé de numéro? Parce que j'appelle chez moi. Donc... Eh bien, vous vous êtes trompé de numéro. Quel numéro vous devez avoir? Le mien. Oui, et bien c'est quoi comme numéro? C'est mon numéro à moi. Oui, et bien là, c'est pas le bon. Si, c'est le bon, c'est chez moi. Donc non, c'est le bon. Pas chez vous. Vas-y. Bah, si. Sinon, chez qui j'appellerais si j'appelle pas chez moi? Numéro. Mais comment je peux me tromper? Le clavier, je le vois en double, oui, mais je le vois. Vous avez suffisamment vu que pour ne pas savoir lire correctement. Au revoir, monsieur. Ah, c'est dommage qu'elle était désagréable et qu'en plus de ça, elle avait un téléphone pourri, hein, parce que... Oui, je comprends pas. Bah non, bah nous non plus, on n'a pas tout compris d'ailleurs. Hein, mais... Elle est vraiment pas cool. Elle est vraiment pas sympa quand même, à Flémal. C'est vraiment c'est bizarre. Dommage. Pourquoi tu veux pas accueillir comme ça les bourrés chez elle? Mais c'est bizarre, ça. C'est très bizarre. Oui, d'abord, c'est pas chez elle, c'est chez moi. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, toi, c'était chez lui, effectivement, oui. Bon, bah dommage, hein, tant pis. Hein, donc, échec total sur toute la ligne, Tof, depuis ce matin. Hein. C'est étonnant. Mais oui. Je comprends pas pourquoi. Bah, c'est pas alors nous non plus. J'étais préparé à ça. Mais c'est vraiment bizarre. Hein. Étrange, étrange, étrange, étrange. Bon, 8h56 sur Fun Radio. Dans un instant, l'info va arriver aussi avec July la baronne. Mm-hmm. Eh ben oui. Mais avant cela, nous devrions avoir maintenant la réponse à l'énigme avec Ingrid qui est avec nous maintenant. Bonjour Ingrid. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ingrid? Ben, ça va super bien. Bah écoute, tant mieux. J'attendais alors. Pardon ? Tu attendais pas quoi ? J'attendais pas cet appel, voilà, pour une fois. Eh ben voilà, tu vois comme quoi tout arrive. Hein. Bon alors voilà. Ingrid, tu as 38 ans, t'appelles des ceux, c'est ça ? C'est ça, oui. Très bien. Et alors, tu as la réponse à la petite devinette qui colle. S'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est poli. Alors réfléchissez, dites-moi de qui il s'agit. Qui est-il, Ingrid? Miroir. Mais miroir, oui. Dans miroir. Exactement. D'où les petites, le petit indice. Tof en a peur. Non, je t'ai déjà dit, c'est lui qui a peur de moi. Oui, oui aussi, oui, c'est vrai, mais bon. Et donc, bonne réponse, donc bravo à toi Ingrid, tu repars avec les cadeaux, je te renvoie au standard, on prend tes coordonnées et on t'envoie le tout rapidos. Ah super, je vous embrasse, merci beaucoup. Je t'en prie, ouais, nous, gros bisous. Bonne journée. Salut Ingrid. Oui, salut, au revoir. Allez, salut Ingrid, ciao. Bon, on a toujours personne là pour Britney Spears? Si tu veux, on peut. Ah bah si, bah si, faisons là. J'avais dit en plus qu'on le ferait dans la demi-heure, déjà je suis en retard. Attends, mais bon. Est ah bah voilà, il est où? Bah je suis totalement perdu là. Hein. Il est là. Ah voilà. Alors... Bon, allez hop, nous allons appeler maintenant pour Britney Spears, celui ou celle qui va repartir avec ses deux places, direction Paris pour assister au concert de Britney Spears. Ce sera le 6 octobre prochain. Je rappelle que le concert est complet. Une bonne chose à dire. Oui. Ce n'est pas Julie qui va gagner. Oui, ça c'est sûr. Voilà. On a bien compris. Ça merci en tout cas de le rappeler. Oh, ah, c'est dommage. Peut-être que si, peut-être que c'est quand même moi qui vais gagner alors. On appelait qui, on ne sait pas. J'ai pas de nom. Dommage. Appuyez sur l'étoile pour enregistrer votre message. Allô, bonjour. Tu t'étais inscrit ou inscrite, je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille, pour gagner tes deux places pour le concert de Britney. On t'appelait pour te les offrir. Eh bien. Et c'est le répondeur, c'est dommage. Bon, alors, bah du coup, bah c'est pas moi grave. Qui garde hein. Les places. Non, non, pas du tout. Donc, 63-22 débuté par Star. Hein, tous les autres auditeurs et surtout celui ou celle qui va gagner tout à l'heure te remerciera. Ouais. Ou pas, c'est possible aussi. Voilà, 63-22 débuté par Star et puis passe une bonne journée, même si elle risque d'être mauvaise quand même. Je pense que le mec il peut être bien vénère. Je sens que t'es passé à côté là. Bon, on fera un autre tirage au sort dans moins d'une demi-heure alors. Hein. On paiera vos factures aussi dans un instant et on va écouter David Guetta avec Saya. Ce sera Titanium sur Fun Radio, reste avec nous. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Il est 8h59, passons maintenant à l'info avec July la baronne. Salut à tous, ça y est, le divorce a été prononcé hier soir. Les FDF quittent le MR après 18 ans d'alliance. Les fédéralistes démocrates francophones réunis hier soir en conseil général ont adopté à l'unanimité, moins 3 abstentions, leur départ du mouvement réformateur. Suite à l'accord convenu avec intervenu sur BHV, les FDF exigeaient l'élargissement de Bruxelles mais ils n'ont pas eu. Ils dénoncent donc le non-respect des engagements fondateurs de la fédération qui avait été créée en 1993. Aujourd'hui, Charles Michel, président des libéraux, se dit ni soulagé ni inquiet. Il s'est dit certain que cette clarification politique allait servir son parti avant de préciser que selon lui, le FDF avait viré à gauche. Et puis la Libre Belgique et RTL TVI ont dévoilé les résultats du baromètre politique. PS en Wallonie et à Bruxelles et NVA en Flandre caracolent toujours en tête des sondages. Sondage qui a été effectué avant les accords sur BHV et sur la loi de financement et avant le fameux divorce MR-FDF. Un Français a été placé sous mandat d'arrêt et écroué à la prison de Tournai hier, soupçonné d'avoir violé une jeune fille de 18 ans dans un bar à Comines. Les faits se seraient déroulés la nuit du vendredi 23 au samedi 24 septembre. L'individu nie les faits qui lui sont reprochés. Un habitant d'Ougré a été tué par balle dimanche vers 20h dans une fête à Visée dans la province de Liège. Deux individus ont fait irruption sur place et ont tiré plusieurs coups de feu en direction de la victime, un homme de 39 ans qui est décédé sur place. Les auteurs des faits sont en fuite. Aujourd'hui débute la semaine du cœur. Les maladies cardiovasculaires et particulièrement l'infarctus du myocarde restent la première cause de mortalité en Belgique. C'est l'occasion d'informer la population sur l'infarctus du myocarde. 15 000 Belges en sont victimes chaque année et malheureusement 7 000 en meurent. Bonne nouvelle pour tous les Nivellois. Nivelles a reçu ce week-end le trophée de commune sportive 2011. La ville devance donc les 95 autres communes qui participaient ce samedi au volet sportif des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En France, victoire historique de la gauche au Sénat. La gauche française a remporté les élections sénatoriales en faisant basculer la deuxième chambre du Parlement dans son camp pour la première fois depuis la 5e République, provoquant un bouleversement politique à 7 mois de la présidentielle. Et puis aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour commencer l'examen de la candidature palestinienne d'adhésion aux Nations Unies. Un vote devrait prendre au minimum 4 semaines. Et puis enfin en sport, football, résultat de la 8e journée de championnat. Hier, Anderlecht s'est fait peur face au Berscott, mais termine tout de même 3-2. Et puis le Standard et le Cercle de Bruges se sont séparés sur un nul. En cyclisme, c'est le Britannique Mark Cavendish qui est champion du monde. Et puis en Formule 1, Sébastien Vettel a remporté le Grand Prix de Singapour. 9h02 sur Fun Radio. Dans un instant, David Guetta avec Sia. On remboursera vos factures aussi au 63-22 en débutant votre message par facture. Et passons à la météo maintenant. Le ciel sera encore nuageux sur le nord du pays et de la pluie est même attendue sur le littoral. Dans le reste, il devrait faire beau, température de 20 à 24 degrés. Et puis pour le reste de la semaine, ça s'annonce radieux. Ça s'annonce plutôt bon plan, je pense. Hein. Plutôt ouais, bronzette. Ouais. Et bon plan aussi ce week-end. Hein. Ah, je sens que je vais faire un truc, une petite transat cet après-midi au soleil. Il serait temps que tu fasses du sport. T'avais pas parlé de vélo? Si, mais je veux pas. Ça m'empêche pas de faire les deux, hein. Oui, bien sûr. T'inquiète ouais. pas. Fun Radio. Fun Radio. Bon, allez, passons à l'info en plus. 9h04 sur Fun Radio, l'info en plus. Vous rêvez de pister votre partenaire ou alors votre enfant, tout simplement, votre ado qui commence à sortir un peu à droite, à gauche. Eh bien maintenant, MapMyMobile est un outil pour votre téléphone portable. C'est une application payante, hein, tout de même évidemment, qui permet donc de géolocaliser des membres de sa famille. Donc ça peut être sympa, celui ça. Qui a créé Map My Mobile explique que c'est pour les parents un petit peu inquiets de leurs adolescents qui partent maintenant à droite à gauche, bah, ils commencent un petit peu à bouger, aller dans des soirées, ce genre de choses. Et donc Map My Mobile vous envoie des petits SMS pour vous alerter de où se trouve actuellement votre adolescent. Mais bien sûr, cela peut servir également pour ceux qui rêvent de pister leur partenaire amoureux et de savoir où se trouve votre chéri ou votre chérie. Puis ton iPhone pour jouer, on va tester l'application. Bah écoute, non, non. Bah c'est pour tester l'application. Non, non, tu n'as pas à savoir. Journaliste d'investigation. Tu n'as pas à savoir où je suis, Mickaël. Non, mais tu arrêtes contre, maintenant. Par tu sais. Ton mec nous a demandé et... de te tracer. Eh bien, si écoute, j'en parlerai avec lui. Ah oui, il va te dire non, forcément. Hein. Bah non, bah écoute, si, si, il me dira les choses très clairement. Ouais, ouais. Il y a des moments où il aimerait bien savoir ce que tu fais parce que t'es pas à la maison, t'es pas avec lui. C'est normal parce que je travaille. Si, si, je travaille. Que le soir, quand il te demande de faire un truc sympa. Non, mais écoute, je suis fatigué, tu sais, j'ai une journée éprouvante. Oui, c'est bizarre quand même. Oui, bien sûr. Tous les jours, c'est bizarre. Ouais, bien sûr. Et encore, elle lui fait pas le coup de la migraine, il a pas de chance. Vous avez fini, vous avez fini, vous êtes jaloux de ma vie amoureuse qui est absolument parfaite et donc voilà, vous essayez de la casser, mais tout va bien, je vais très très bien. Mais tant mieux. Toff est malheureux, Mickaël est malheureux et moi je suis très malheureux. D'ailleurs, si vous êtes une fille, oui, vous on a compris. Ça, on a compris. Bon, allez, 9h05, dans un instant, on vous rembourse les factures, je vous l'avais promis, il vous reste 5 minutes pour vous inscrire, ce sera la dernière fois aujourd'hui. 63-22 en débutant le message par facture, vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture et on écoute maintenant, comme promis, à 9h05, David Guetta et Saya, c'est Titanium. Oui, je me suis trompé de bouton. Ça sont les choses qui arrivent. Ça, c'est parce que c'est Julie, ça. C'est son pantalon rose, évidemment, là, qui m'a perturbé, là. Bah, c'est ça, ça t'a fait un flash. C'est ça, ça m'a fait un flash. J'ai cru que j'étais en voiture et tout. Ça m'a vraiment perturbé. Non, ça finit ici. Allez, David Guetta et Saya maintenant. C'est Titanium. Cette fois-ci, je me trompe pas de bouton. Le son de David Guetta sur Fun Radio l'instant avec Titanium. C'est comme ça que ça se passe tous les matins sur Fun Radio dans un instant. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à vous inscrire dès maintenant si vous voulez qu'on refasse l'intérieur high-tech de votre appart ou de votre cote pour les étudiants. Pimp Your Cote s'installe toute cette semaine sur Fun Radio et le concept est relativement facile. En gros, si vous envoyez un message au 6322 en débutant le message par Lenco, c'est la marque qui va vous relooker votre appartement ou votre cote, eh bien vous repartirez peut-être avec un radio réveil, un écran plat avec un lecteur DVD, une barre son et une tour iPod. Vous repartirez aussi avec le micro-ondes, le mixeur, le percolateur, un four, une friteuse, un fer à repasser, un aspirateur et même pour fêter ça, le tire-bouchon électrique, ce qui est plutôt sympa. Et quoi qu'il arrive, en gros c'est simple, donc vous vous inscrivez et à la fin de la semaine on vous rappelle en direct pour savoir si vous repartez avec tout ça et... Bah, si vous jouez avec nous maintenant, vous repartirez d'office si vous êtes tiré au sort et que vous passez à l'antenne évidemment dans moins de 20 minutes avec moi avec un lecteur MP3. Pour vous inscrire, 6322, débuté par Lenco, L-E-N-C-O. Et on vous rappelle peut-être dans moins de 20 minutes pour vous offrir tout ça. Restez bien à l'écoute de Fun. Et en attendant, eh bien, faisons péter les factures maintenant. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Alors, on va rembourser combien, Toff ? 25 euros. Petite facture ce matin. Alors. Enfin, c'est déjà tombé tout à l'heure, à 8h10, hein, c'était déjà près de 50 euros si mes souvenirs sont bons. La semaine dernière, on avait remboursé aussi une belle facture, là, hein, c'était pour le cote, je crois, de, je ne sais plus comment elle s'appelle. Près de 200, c'était, non ? Ouais, c'était 185 euros si mes souvenirs sont bons, mais sans certitude. Bon, en tout cas, il y en a pas mal qui sont arrivés des factures ce matin, là. 89 euros pour le facture GSM, assurance auto 677 euros, là. Et on appelle maintenant pour rembourser ces 25 boules. Alors, 83 euros pour l'hôpital à Namur. 75 euros pour l'abonnement d'Aquagym. Mmh. Oh non, je suis très déçu. Le 04. On va peut-être pas laisser le numéro en entier, évidemment. Non, ce serait... Bah voilà, c'est ça. Hein. Enfin si, après comme ça, les auditeurs pour l'insulter en le disant, putain, moi j'ai pas pu me faire rembourser ma facture, toi tu décroches pas. C'est ça. Le signal sonore. Pour terminer, raccrocher ou appuyer sur le carré pour d'autres options. Merci de votre appel. Oui, bonjour à toi. Je ne sais malheureusement pas comment tu t'appelles, mais c'était Fun Radio. Je t'appelais pour te rembourser ta facture cash. Malheureusement, tu n'as pas décroché. C'est bien malheureux, mais ce n'est pas grave. Sache que nous t'appellerons peut-être un autre moment, tout simplement. En tout cas, tu retentes ta chance quand tu veux sur Fun. Il n'y a pas de problème. Et puis, dommage. Hein. Voilà. Eh oui, voilà. C'est triste. C'est vraiment triste. Je suis très déçu. Mais oui, c'est con. Enfin bref. Bon, écoute, tu reviens quand tu veux. En tout cas, et puis les autres, vous pouvez aussi, du coup, vous inscrire. 6322. Vous débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. On doit encore appeler le gagnant pour Britney Spears aussi tout à l'heure avant 9h30. On parlera encore de Francky Vincent et l'horoscope va arriver d'ici quelques instants avec notre ami Doudou. Le temps d'écouter le son de Kate de Luna maintenant. Fatman Scoop également, c'est Drop It Low. 9h12, bonne matinée sur Fun Radio. 9h15 sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. L'horoscope maintenant avec notre ami Doudou, bien sûr. Fun Radio. L'horoscope. Allez, dernier horoscope de cette matinée avec Doudou. Hein. Bon, regardez-en un peu pour ce week-end, hein, Doudou. Hein. Pour le week-end qui va arriver là tout à l'heure, je vous entends mal, voilà. Ah oui, allô. Non, c'est ah parce oui. qu'il a bien cuvé là déjà, là, et il est un bah peu. Bah c'est ça, mais pourquoi vous voulez que je garde de l'alcool pour le week-end, moi Parce que si vous utilisez toute cette semaine, il va y avoir un moment, un problème avec l'horoscope. Ah oui, c'est possible, vous voilà. avez raison. Mais oui, je sais bien. Bon, on va commencer par les béliers. Bah oui, alors profitez de la vie, accordez-vous chaque minute à l'amour. Les taureaux. Ne vous mettez pas sous pression à cause de cette petite baisse de forme. Les gémeaux. Dormez beaucoup et mangez plus régulièrement. Les cancers, comme Julia Baronne. Ah oui, réfléchissez, la politique de l'autruche, ça va vous conduire à rien. Mais je ne suis pas une autruche. C'est une belle autruche. Merci, bah oui. C'est oui, charmant. C'est un beau compliment. Bah, tu vois, je suis plein que je ne t'en fais jamais. Ah oh, bah ma journée est faite là. Bah ouais. T'as vu un peu, hein. Merci. Je trouve que c'est Dodo qu'on la reconnaît le mieux. Les lions. C'est une bonne journée pour vous laisser aller. Les vierges. Mettez sans remords la pédale douce aujourd'hui. Les balances. Et les autres jours aussi. Bah oui, les balances. Un développement positif pour avoir lieu car un ami a une bonne idée que vous devriez écouter. Les scorpions. Scorpions, c'est une très bonne période pour les affaires d'argent. Vous allez être riche. Les sagittaires. C'est avec votre persévérance et votre énergie que vous surmonterez tous les obstacles. Les capricornes. Même si vous vous sentez aujourd'hui sans entrain, vous êtes plein d'énergie pour atteindre vos objectifs. Les Verseaux. Rien ne viendra déranger un dîner romantique. Votre partenaire va apprécier ce soir. Et enfin, les ça poissons. Va zouker à la maison. Oui, on imagine. Et les poissons pour finir. Épargnez vos nerfs et n'exagérez en rien. Très bien. Mais... merci Doudou, on vous retrouve demain. Mais oui, avec plaisir. Pour je une serai nouvelle là. Édition de l'horoscope, bien entendu. Ah, évidemment. Ben oui. Dans un instant, on appelle le gagnant pour Britney Spears, ou la gagnante, évidemment. On appellera également le ou la gagnante pour l'opération Pimp Your Cut cette semaine avec Lenko et tous les appareils électro et high-tech qu'on a à vous offrir cette semaine. C'est possible, j'en ai un petit peu pour mettre chez moi, parce que je sais pas jouer bien équipé. Non, ce n'est pas possible. Et on écoute Selena Gomez maintenant sur Fun Radio. Selena Gomez sur Fun Radio avec dans un instant Benny Benassi, ça va arriver avec Gary Go pour Cinéma, 9h21, soyez les bienvenus sur Fun Radio. Si vous débarquez, c'est Morning, Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec Francky Vincent. Là, est-ce que vous vous souvenez justement toutes et tous de Francky Vincent? Comment ceux... l'oublier? Bah oui, pour ceux qui étaient sur notre planète, ce Francky Vincent, c'est ça. Y a pas que la fesse dans la vie, y a le sexe aussi. C'est un petit peu l'idole de Toff, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement même. Et donc, il avait aussi été dans la ferme Célébrité. Ouais, mais non, moi, pour moi, le meilleur hit de Francky Vincent, c'est celui que Julie préfère. C'est Tu veux mon zizi. Ah oui, bah alors là, c'est. Bah, c'était celui-là, écoutez. Tu veux mon zizi. Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi. Donc évidemment, pourquoi si je parle... on ne passe pas ça le matin sur Fun? Je mais me pose la question. Mais ouais, franchement, je me demande aussi. On va le mettre en entier quand même une fois. C'est vrai. Ah bah oui, vas-y. À l'occasion alors. Un jour, je suis pas là par exemple. Si je parle de Francky, donc en fait, c'est parce qu'il avait ouvert un restaurant, mais bon, alors ça s'est pas super bien passé. Et comme tous les grands chanteurs, bah, il a fait une chanson pour raconter son histoire. Francky Vincent, le restaurant, c'est de rêve à réaliser. Avec un personnel à chier. Voilà. Voilà, et donc on comprend qu'il s'est un peu pris la tête avec le personnel, et donc forcément, bah du coup, il a un message pour eux, Francky, hein. En enfoiré, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres. Voilà, donc il est content déjà, hein, tu vois, on sent bien qu'il est au top, on là. Sent, on sent qu'il a vraiment kiffé travailler avec eux. Ouais, donc là, on peut dire qu'il dit ça gratuitement, le Francky, mais alors heureusement, il décrit ce qui se passait aussi dans le restaurant. J'étais absent, certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir des prostituées, il y avait le menu, c'est qui était sérieux. Quand je pense que j'ai payé ces enfoirés. Ah ouais, donc il était pas content. Oulala, hein. Il règle ses comptes. Ouais. Ah oui, il règle ses comptes, ouais. Alors évidemment, c'est pas tout, parce qu'évidemment, la secrétaire y passe aussi. Hein. La secrétaire venait toutes les soirées, sortait avec le client qu'elle désirait, et couchait aussi avec le DJ, envisageait de draguer le cuisinier. Ouais, sympa quand même, hein. Ouais, bon. Même le cuisinier, il a failli y passer. Ah, mais rassurez-vous, pauvre. Rassurez-vous, il y a le serveur. Eh oui, carrément, hein. Du coup, Francky, évidemment, bah, il a dû renoncer à son rêve, évidemment. J'ai décidé de me séparer de ces crevures. Mon rêve, j'en ai marre, c'est un cauchemar. Vive la chanson, à bas la restauration. Et voilà, vive la chanson, à bas la restauration. Oh, ben, probablement qu'il disait qu'il faut bosser pour Francky Vincent, c'était un petit peu bosser. À la cool quoi. À la cool quoi, bah, voilà. Ouais. Et alors, au final, fait, on est là pour se faire plaisir. C'est ça, mais en fait, il aurait dû faire sa chanson bien avant. Hein. Mais je suis sûr que ça aurait attiré plein de gens dans son club échangiste. Ah oui, bah oui. Bien plus tôt. Bon, allez, on va appeler maintenant quelqu'un ou quelqu'une pour aller direction. Pour aller direction Paris, bah Paris. Pour aller forcément. Allez, on commence par Paris. Bah pour aller applaudir Britney Spears ou lui jeter des tomates, on sait jamais s'il est dans une mauvaise vibe. Bah c'est vrai, hein. On sait pas. Lui voilà. Jeter des tomates. Bah, oui. Donne pas de mauvaises idées, toi. Concert à Paris le 6 octobre, les dernières places sont à gagner sur Fun Radio et on appelle maintenant, c'est parti. Tout à l'heure c'était le répondeur, donc j'espère que ça a décroché. Allô, ah, bonjour. Ah, là ça n'a pas sonné par contre. Ouais, ça n'a pas sonné, ça a directement décroché. Bonjour, comment tu t'appelles? Tout ok. Donc je m'appelle Anne. Salut Anne. Tu veux aller voir le concert de Britney? Ah, c'est trop chouette. Oh, et ben voilà, on va te filer tes deux places. Mais j'espère bien. Je te fais des gros bisous en tout cas. Tes deux places pour le concert de Britney Spears, tu les as gagnées ce matin sur Fun Radio. Merci beaucoup, après merci à toute l'équipe. Oh, bah ben, tu vas pas pleurer quand même. Hein, tu vas pas pleurer? Oh, c'est mignon. Ah, oh, bon, d'accord, ok, non. Ça va alors. Non, pas du tout. Bon, je te fais des gros bisous, en tout cas, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées, d'accord? Ça va, merci. Je t'en prie, gros bisous, ciao à toi, à bientôt. Oh, bah ça va. Oh, bah, trop mignonne, quoi. Elle est mignonne, bah oui, mais elle est mignonne. C'est pas facile de choper des places pour le concert de Britney. Non, ah bah ça. Et... faut vraiment être sur le coup, alors. Et Julie, c'est de quoi elle parle. Bah j'ai rien essayé. J'ai essayé d'en choper directement ici, on m'a dit non. Non, bah voilà, ça n'a pas marché. Que... bah ouais. Et on va enchaîner directement avec le gagnant pour l'Enco aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Allez, hein. Allons-y, soyons. Bah, comme ça, on est sûr de ne pas oublier, tiens. Bon, hop là, c'est parti. On appelle maintenant. Le concept était facile. Hein. Inscription toute la journée au 63-22 en débutant le message par l'Enco. Si vous êtes sélectionné là maintenant, peut-être en direct, vous repartirez d'office avec un appareil photo numérique. Et si vous êtes sélectionné au tirage au sort à la fin de la semaine, eh bien, vous repartirez avec l'intégrale Pimp Your Cut, écran plat. Oui, allô. Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Vanessa. Salut Vanessa, tu as quel âge, dans quelle ville? J'avais 18 et j'ai 32 ans. 32 ans, tu es bien. Tu es pas très étudiante. Non, mais c'est pas grave, après, on peut relouer son appart. Je suis pas étudiante du tout, non, pas du tout. On n'est pas dans le détail, c'est pas un problème. Bon, alors, tu t'es inscrite pour l'opération Pimp Your Cut. Et oui. Sache que, dès le départ, tu gagnais déjà un appareil photo numérique. Un lecteur MP3, pardon. Donc ça y est, c'est plié, c'est fait. Et à la fin de la semaine, peut-être qu'on t'appellera pour te filer le radio réveil, l'écran plat, le lecteur DVD, une barre son, une tour iPod. Il y avait quoi aussi? Le micro-ondes, le mixeur, le percolateur, le four, la friteuse, le fer à repasser, l'aspirateur et même le tire-bouchon électrique, et ça c'est le principal. C'est vrai, bah pour fêter ça quand même. Bon, en tout cas, bah écoute, je t'en prie, on va prendre tes coordonnées dans un petit instant. Pour pouvoir t'envoyer déjà ton lecteur MP3 et peut-être que l'on t'appellera à la fin de la semaine, ce serait beau. Super. Je te fais des bisous, à bientôt. Merci, fan. Salut, ciao. Et puis les autres, bah, vous pouvez aussi vous inscrire, donc comme je le disais, 63-22 en débutant votre message tout simplement par l'ENCO. Personne ne suit, ça fait plaisir. Bah si, moi j'allais le dire. Bah, on te laisse faire, quoi, c'est ton boulot. L-E-N-C-O. Oui, bah dis donc alors là. Bah quoi? Oh là là, c'est pas, mais si je commence à faire ton boulot, on n'y arriverait jamais. Perches. Bon, on va se quitter ici. Oh. Ah, on se quitte déjà comme ça là. Bah oui, on va se quitter avec Benny Benassi. Ah bon, d'accord. Et Gary Go avec Cinéma. Bon, mais bonne journée à tous. Et bah bonne journée. On se retrouve demain. Tu veux qu'on revienne après? Bah je sais pas, non, tant mieux, c'est très bien. Mais... écoutez là, bah, comme ça, je vois plus vos têtes, quoi. Après, les auditeurs, ils vont me manquer. Mais c'est ça. Je reviendrai demain matin, dès 6h. C'est ça. Et on se retrouve sur amical.fm aussi cette journée, sur le Facebook notamment. Et puis nous, on revient effectivement demain matin à partir de 6h. Bonne journée tout le monde, bonne journée à la baronne. Salut à tous. Et il faut toujours saluer la baronne. Hein, parce que sinon après c'est de très très très mauvaise humeur. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. Allez, on se quitte avec Benny Benassi dans un instant. C'est Lucas qui débarque avec le self. Ne loupez pas Jasmine aussi tout à l'heure à 13h. Et puis bien sûr aussi le retour d'Evan et la tribu et la libre antenne de Vince qu'on a eu avec nous d'ailleurs tout à l'heure à 6h30 ce matin. Ouais, ouais. Vince qui sera là avec Nabil. Jamais et la B2C. Ça. Non, moi non plus, j'avoue. Allez, ciao tout le monde, à demain. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar! Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.